أجمعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نصم توجور avec صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، le savant, le grand savant éminent رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. On s'est arrêté. On va juste réviser les deux derniers hadiths et on commence, inshallah, le nouveau hadith. L'avant-dernier hadith, c'était où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna akhakum al-najashiya qad mat, fa qumu fa sallu alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, numéro 1549, hadith authentique, a dit votre frère, le négus, Najashi, qui était en Éthiopie, le roi d'Éthiopie, a dit Admet est mort, c'est-à-dire il est mort aujourd'hui. Faqumu fasallu alayh. Donc, levez-vous, on va faire la prière sur lui. Et j'avais dit que, bon, ce n'est pas sûr qu'il était mort le même jour, je ne sais pas si la nouvelle arrive comme ça très vite, mais il venait de mourir. Il a dit donc, on va faire la prière sur lui. J'avais dit que il y avait beaucoup d'avantages dans ce hadith. Le plus grand avantage, c'est que quand quelqu'un meurt dans un pays où il n'y a personne qui fait la prière sur lui, les musulmans doivent faire la prière sur lui dans un autre pays. Dans un autre pays. Comme ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait la prière sur lui. Et avec les compagnons. Il est permis aussi de faire la prière sur quelqu'un sur lequel on a fait la prière, mais que par exemple moi personnellement j'ai pas fait la prière sur lui. Maintenant je donne un exemple. Supposons que une personne aille par exemple dans son pays, elle est dans la urba, elle est dans l'étranger, elle part dans son pays, elle trouve par exemple que son grand-père était mort pendant son absence. Cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller au cimetière, si c'est un homme, et elle fait la prière du mort sur cette personne, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moins deux fois. Une fois, quand il a demandé où est Ummu Mihjan. Ummu Mihjan, c'est une femme qui était convertie, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'avait personne, bien sûr, à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la mosquée. Elle habitait dans la mosquée. Elle avait une tente à l'intérieur de la mosquée. C'est là-bas qu'elle habitait. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle faisait? En même temps, yani, en contrepartie, elle s'occupait de la mosquée. Elle nettoyait, elle comme ça, elle balayait, etc. La mosquée. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, yani, où est-elle? C'est comme si, yani, je la vois pas. Ils ont dit elle est morte hier. On l'a enterrée hier la nuit. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit subhanallah, comment vous m'avez pas averti? Ensuite il est parti au cimetière et il a fait la prière sur elle. Il a fait la prière sur elle. Peut-être lui, peut-être avec un groupe. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmoullah a dit c'est permis que quelqu'un fasse la prière sur quelqu'un envers lequel lui il n'a pas fait la prière, à condition que lorsque cette personne yani qui est morte, il faut que le prieur, celui qui va faire la prière sur elle, soit, lorsque la personne est morte, soit yani, quelqu'un de Uber, quelqu'un qui faisait la prière. C'est-à-dire, je donne un exemple, je ne peux pas faire maintenant la prière sur, par exemple, les Sahaba. Je vais aller à Medina, je vais dire, Omar ibn Khattab, voilà sa tombe, Mu'adh ibn Jabal, Abu Huraira, je vais faire la prière sur eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont morts, j'étais populaire, je n'existais même pas. Il faut que la personne qui est morte, il faut que tu sois toi vivant, bien sûr au moment des morts, et que tu sois puber. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la prière pour des gens qui sont morts il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Seulement ceux qui sont pubères, tu étais pubère quand ils sont morts. Deuxième avantage, je ne sais pas, ça si on l'a dit, deuxième avantage, que le négus était un musulman, même que il n'avait jamais fait la prière, jamais, au grand jamais, il n'avait fait la prière, comme a dit Cheikh Islam dans ses fatwa. Il a dit Najashi n'a jamais fait même pas une prosternation parce que il était dans un endroit où il pouvait pas faire, malgré qu'il savait que la prière était obligatoire. Celui-là, comme j'ai dit une fois, c'est un dalil pour briser le dos des takfiriens. Les takfiriens qui disent que quiconque ne juge pas avec l'islam est un kafir, sous détail, comme ça. Quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. On lui dit pourquoi alors le négus n'a pas jugé avec l'islam, il n'est pas kafir. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire une prière sur un kafir. Donc il a fait la prière sur lui. Dans un autre hadith, il a dit aujourd'hui est mort Abdun Saleh, quelqu'un de Saleh, yani quelqu'un de bien. Alors, comment se fait-il qu'il ne jugeait pas avec l'islam et il est mort musulman? Ensuite, on avait dit que le négus a eu aussi une particularité, une autre, c'est d'avoir été le tuteur de Ramla, Ummu Habiba, la fille de Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, car Ramla, Ummu Habiba, c'était celle, elle était partie en hijra, elle a fait la hijra à l'Éthiopie par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est partie avec son mari Ubaydallah ibn Jahsh, Abdullah ibn Mas'ud et un bon groupe, c'est à peu près 15 ou 18. Ensuite, là-bas, son mari, la hawla wa la quwwata illa billah, son mari là-bas est devenu chrétien. Regardez, est-ce que vous connaissez une fitna plus grande que celle-là? Qu'une femme parte avec son mari à l'étranger et qu'il change de din et la laisse seule. Et bien sûr, on lui a donné beaucoup d'argent, etc. Et ils se sont séparés, bien sûr. Et yani, même il disait aux musulmans, regardez yani, combien j'ai d'argent, etc. Yani, subhanallah al-azim. Mais elle, bien sûr, elle a quoi? Elle a patienté. Elle a patienté. Parce que elle voulait Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Elle voulait pas l'argent, elle voulait pas ce bas monde. La patienté là-bas, très difficile, seule, dans la ghurba, son mari, seul. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَيْحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ou il lui fait des issues. Naam. يجعل له مخرجا. Il lui fait une issue. Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque est dans un problème et il a peur de Allah subhanahu wa ta'ala et il ne fait pas le haram, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte. Toujours. C'est une sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans un problème, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte et yani, le fait sortir bi'idna subhanahu wa ta'ala de ce problème. Celle-là, comme elle avait, alhamdoulilah, patienté, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une porte. Et quelle porte? Et quelle porte? Il l'a mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah, masha'Allah. Il l'a mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est devenue quoi? Elle est devenue notre mère, Habiba, radiyallahu ta'ala, la fille de Abu Sufyan. Elle s'appelle Ramla. et sa cousine c'est Habiba. Regardez, hein, yani, elle a peut-être, peut-être elle a senti quelque chose quand son mari s'est séparé d'elle en devenant chrétien. C'est sûr qu'elle a souffert, mais le résultat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une issue. Et quelle issue? Elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la sincérité des sahaba et des sahabiyats radiyallahu ta'ala anhum. Je disais que il a marié une femme, quand elle veut se marier la musulmane, il faut qu'elle ait un tuteur. Qui est son tuteur là-bas? Elle n'a pas de tuteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque n'a pas de tuteur, c'est le gouverneur qui la marie. Quand je dis gouverneur, c'est pas yani, il faut que ça soit lui yani, spécialement, même tous ceux qui travaillent yani, dans son gouvernorat, tous ceux qui travaillent dans son pays yani. Pourquoi? Ils travaillent yani, avec l'État, les imams, les juges, tous ceux qui travaillent yani, c'est lui qui les commande. Mais ici c'est le négus lui-même, Abraha, là-dedans, s'appelait Abraha, qui a marié Habiba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une autre preuve que quoi? À part, c'est une autre preuve qu'il était musulman. À part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui, qui est la plus grande preuve. La deuxième preuve, c'est qu'il a marié Habiba au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a envoyé avec elle des cadeaux et une mule, etc. Donc, s'il l'a marié, c'est le but, c'est le dalil qu'il était musulman. Ensuite, il y avait le hadith, inna akhwaf ma khaf ala ummati amalukum lut. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce sens, il y a à peu près, il n'y a pas quelque chose dont j'ai peur en ce qui concerne ma nation comme l'homosexualité. Il n'y a pas une chose dont j'ai peur pour ma nation comme l'homosexualité. Plus spécialement, yani, les hommes avec les hommes, même les femmes avec les femmes, c'est très grave. Et plus spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les hommes avec les hommes. Dans un autre hadith, il a dit, quiconque fait cela, vous tuez celui qui fait et celui à qui on a fait. Quiconque fait cela, quand deux personnes font cette chose, le gouverneur musulman bien sûr doit les tuer les deux. Il tue celui qui a fait et il tue celui à qui on a fait, bien sûr, sauf si on l'a forcé ou là, c'est autre chose. Je parle de celui qui veut faire ça, celui qui se laisse faire. Et j'avais dit que maintenant, sauf c'est permis dans certains pays, c'est même permis avec des papiers, se marier avec des papiers. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Et j'avais dit aussi que les ulama en diverger sur la façon de le tuer, et que Abu Bakr Siddiq disait que il fallait les brûler. Il en a même brûlé certains, et Marwan aussi on a brûlé certains, et que Ali radiallahu ta'ala a dit on doit les jeter du plus haut endroit, hein, on monte au plus haut endroit dans la ville, la plus haute montagne. Autrefois il n'y avait pas d'immeuble, et on les jetait d'en haut comme ça vivant, d'après Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ceux-là une maladie inguérissable. Naam, comme il a dit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, je donne son sens à peu près, je le dis en arabe, ensuite en français, il a dit, le témoin du hadith, il a dit, wa ma dharat al fahishatu fi qawmin qat hatta yu'alimu biha إلا وسلط الله عليهم الأوجاع والأمراض الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. حديث صحيح. Je l'ai dit en son sens. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit يعني que la zina هذه elle ne fera pas يعني lorsqu'arrivera le moment où on la fera, il fait en général les grands péchés en général sans être caché comme ça. On parle maintenant à la télévision, tu peux voir des gens qui font la zina, tu peux voir des gens qui font l'homosexualité. Alors a dit le prophète, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera des maladies qu'il n'y avait pas dans vos ancêtres. Non, des maladies qu'on n'avait pas dans nos ancêtres. Jamais, jamais, un de nos ancêtres a été malade du sida. Jamais. Ni du cancer. Le cancer, ça fait seulement quelques années qu'on l'a découvert. Il n'a pas existé chez les sahaba, ni chez les ulama autrefois, ni chez nos grands-grands-pères. Il n'a pas existé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, même quand on faisait les grands péchés, on les faisait en cachette. Maintenant, on les fait devant tout le monde. On dit que c'est un art. C'est un fun, c'est un art. Celui qui ne fait pas ces choses-là, celui-là, il est arriéré. Celui qui ne fait pas ces choses-là, celui-là, miskin, c'est un arriéré. C'est pour ça que maintenant, il y a des livres, il y a des chaînes, il y a des professeurs qui enseignent, il y a de la publicité pour ces choses-là. Wala hawla wala quwata illa billah al-ali al-adim. Maintenant, avec le sida, quand quelqu'un tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement qu'il prenne un lit et qu'il attende la mort. Voilà le résultat. Celui qui a le sida, il prend un lit et il attend Malik al-Mout. Il attend l'ange de la mort qu'il vienne dans 3 mois, 6 mois, une année. Jaza'an wifaqan. Jaza'an wifaqan. Et s'il peut trouver la guérison ou le soin, qu'il le trouve. Alors que le prophète Sassoum a dit qu'il n'y a pas une maladie qui n'a pas de soin. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de soin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut châtier les gens, certains, il fait de sorte qu'ils ne trouvent pas le médicament. Il fait de sorte qu'il reste longtemps pour le trouver, car il veut les châtier. Le hadith d'aujourd'hui, le hadith d'aujourd'hui, bon, celui-là il est un peu long, je vais le sauter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih 1560. Il a dit: Inna arwah al-mu'minina fi tayrin khudrin ta'luqu bi shajaril jannah. Inna arwah al-mu'minina fi tayrin khudrin ta'luqu bi shajaril jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que lorsqu'on mourra, les âmes des croyants, leurs âmes, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra dans des oiseaux. Donc quand je dis tayr, yani quand je dis un oiseau, ça veut dire quelque chose qui vole, qui a des ailes. Ça peut être un pigeon, ça peut être un vautour. Ça veut dire quelque chose, un volatif, quelque chose qui vole. Il a dit, khodr, de couleur verte. Et ces oiseaux-là auront une couleur verte. Il a dit, ta'luqu bi shajaril jannah. Et ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des fruits de quoi? Du paradis. Et l'âme des croyants est à l'intérieur de ce volatile, à l'intérieur. Parce que le jour où Allah ne nous a pas encore ressuscité. Il parle ici, quand on meurt, elle est avant quoi? Avant le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous refaire vivre de nouveau, ensuite on va rentrer au paradis, etc. Quand on rentre au paradis, on rentre avec un vrai corps. On rentre avec un vrai corps de 30 mètres de hauteur, etc. Et maintenant on parle quand on meurt seulement. Nos âmes, des fois, l'âme, elle est dans la tombe, des fois elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala, des fois elle est dans les cieux, des fois elle est dans cet oiseau en train de manger dans le paradis. Et comme ça, elle n'est pas stable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna azwaja ahli al-jannati la yughanniyanna azwajahun bi ahsani aswat ma sami'aha ahadun qat. Inna mimma yughannina nahnu al-khayrat al-hisan azwaju qawmin kiram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que les femmes du paradis chanteront à leur mari avec une voix que jamais quelqu'un a entendue. Yani Allah subhanahu wa ta'ala leur donneront une voix, c'est impossible que quelqu'un puisse avoir une voix comme la femme du paradis, c'est impossible. Là, comme il leur donnera une beauté exceptionnelle, il leur donnera une voix exceptionnelle, et qu'elles chanteront à leur mari, et des choses qu'elles chanteront, elles diront comme ici, elles diront: Nahnu al-khayrat hisan azwaju qawmin kiram. je ne sais pas à peu près exactement comment c'est en français, mais c'est à peu près, yani nous, nous le khayrat, nous les meilleurs et les belles, le khayrat, le hisan, nous les meilleurs et les belles, azwaj min kiram, yani épouse de gens, yani kiram, de gens, mashallah. Naam. Une seconde, inshallah, j'ouvre la porte sur bien sûr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت أبو عبد العزيز. نعم. Donc les femmes du paradis chantent et elles disent aussi نحن الخالدات فلا نحن الخالدات فلا يموتنا نحن الآمنات فلا يخفنا. نعم. Nous les éternelles فلا يموتنا. Qu'on meurt pas. Nous les éternelles on ne meurt pas. نحن الأمينات فلا يخفنا. Et nous, يعني, celles qui sont en sécurité et qui n'ont pas peur. Celles qui sont en sécurité. الأمينات فلا يخفنا. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن أشد هذه الأمة بعد نبي حياء عثمان. إن أشد هذه الأمة بعد نبي حياء عثمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم fait, يعني, une grande éloge à عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Le troisième khalifa, il a dit, après le prophète, c'est-à-dire après moi, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup plus de pudeur que Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Naam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand il était assis, il laissait un peu le début de ses genoux découvert. Ensuite, rentrer Omar ibn Khattab, il ne se cachait pas. Rentrer Abu Bakr Siddiq, il ne se cachait pas. Rentrer Uthman ibn Affan, il descendait le khamis. Naam. Il avait honte de Othman. On lui disait pourquoi. Il a dit comment n'ai-je pas honte de quelqu'un dont les anges ont honte. Naam. Comment n'ai-je pas honte de Othman ibn Affan alors que les anges ont honte de Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. C'était le troisième khalifa, celui qui a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ruqiyya et Umm Kulthum. Il avait épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire deux sœurs. Quand l'une est morte, la première, il a épousé la deuxième radiallahu ta'ala anhu. Tellement yani, il avait de la pudeur. Tellement il avait de la pudeur. Comment n'ai-je pas de la pudeur envers Uthman alors que les anges ont de la pudeur envers lui. Et bien sûr, Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu a été tué par qui? Par les kharijites. La hawla wa la quwwata illa billah. Par les kharijites. Celui qui l'a tué, ou là, qui était le principal instigateur de la fitna, c'était Abu Kinana, ou c'était Kinana. Kinana al-Bashri. C'était un égyptien. La hawla wa la quwwata illa billah. C'était lui la tête de la fitna. C'est lui qui a groupé tous les gens autour de lui. Et il les a exhortés et poussés jusqu'à ce qu'on soit rentré dans sa chambre et on l'a égorgé. C'était la première grande fitna yani, de l'islam. La première grande fitna, la première grande bid'a aussi de des kharijites qui sont sortis yani, contre leur gouverneur. Et ils l'ont tué et ils lui ont dit, si tu veux qu'on ne te tue pas, seulement tu nous laisses le gouverneur. L'on laisse le gouvernera et yani, nous on gouverne et toi inshallah yani, tu es libre, inshallah on va pas te faire de machakid. Et lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit justement, je peux vous donner toute chose sauf le gouvernera, je vous donne toute chose sauf je me délaisse de la gouvernance. On lui a dit pourquoi? Il a dit car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, me dire, Ya Uthman, asallahu subhanahu wa ta'ala, asallaha an yuqammisaka qamisan, fa in aradaka al munafiqun ala khal'ihi, fa la takhla'hu hatta talqani ala al hawd. Allah al-Azim. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala t'habille un habit, un qamis. Bien sûr, ce qamis, il voulait dire, yani te rende gouverneur. Hein? Il a employé le mot qamis. Azzawajal va t'habiller un qamis. Ensuite, il a dit, si les hypocrites te demandent d'enlever le qamis, ne l'enlève pas jusqu'à ce que yani, tu me retrouves devant mon bassin. Yani, même si tu dois mourir, ne l'enlève pas. C'est comme ça qu'il leur disait. Si je dois mourir, je meurs. Mais je ne m'en délaisse pas. Je ne laisse pas le gouvernement. Je ne laisse pas à ces chiens et à ces khalidites qui vont y aller faire de grands dégâts. Et il a maintenu sa position jusqu'à ce qu'on l'ait tué. Ada, le sunna l'ont tué, les khalidites, et il est mort, radiallahu ta'ala anhu, assassiné. Il est mort. Assassiné radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith 1567, et je vous ai dit que quiconque dit que on doit faire la guerre à un gouverneur musulman, celui-là c'est un kharij, celui-là il est des khawarij, mais en même temps il est takfir, la plupart du temps il est takfir. Quiconque dit qu'on doit faire la guerre à un gouverneur musulman, celui-là, il est vraiment loin de l'islam, de la vraie compréhension de l'islam. Naam. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le gouverneur soit kafir. Quand il est kafir, il vient à la télévision, il dit, je ne reconnais pas l'islam, je ne reconnais pas la salat. Il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il est devenu kafir. Et là, c'est tout juste permis. Yani jaiz. Ce n'est pas obligé, yani que je dois lui faire la guerre, mais ça dépend de quoi? Il m'a salih et il m'a fasid. Même quand il devient kafir, je ne suis pas obligé de lui faire la guerre tant que je sais que si je lui fais la guerre, je ne vais pas triompher. Non. Moi, pourquoi je veux enlever le gouverneur? Pourquoi je veux l'enlever? Je veux l'enlever pour mettre à sa place quelqu'un de mieux que lui. Maintenant, si je vais commencer la guerre avec lui, et je ne vais pas avoir de résultat. Et bien au contraire, je vais revenir marche arrière. Je vais revenir marche arrière. Donc, l'islam veut cela, l'islam n'aime pas cela. L'islam aime, quand tu enlèves quelque chose, tu fais venir quelque chose de mieux. Et pas tu enlèves quelque chose pour faire venir à sa place quelque chose de plus mal, de plus mauvais. Naam. Regardez maintenant, par exemple, seulement en Algérie. L'Algérie, autrefois, avant la grande fitna, c'était masha'Allah, ça marchait à 90%. La barbe, le kamis, le sitar, ça marchait à 90%. Maintenant, tout est renversé. L'âme, en Algérie, on est revenu, question d'islam, à peu près à 20 ans marche arrière. À 20 ans en arrière. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe avec la barbe, tu comptes avec les doigts. Voilà un, voilà deux, voilà trois. Voilà une fille avec le djilbab. Voilà. Alors qu'autrefois, c'était masha'Allah. Est-ce qu'ils ont réussi? Quand ils ont voulu faire la guerre au gouverneur, ils ont réussi? C'est pour ça que quiconque veut faire la guerre au gouverneur, celui-là est loin, loin, loin, loin d'être sur la voie des vieux prédécesseurs. Celui-là n'est pas un salafi, il n'a pas senti la salafia, il n'a même pas senti ce que c'est. Il ne sait même pas ce que c'est la salafia. Lui qui dit, on va faire la guerre au gouverneur, au lieu d'aller par le Bren, il va, au lieu d'aller faire demander la science qui est obligatoire, il va demander comment on construit des revolvers et comment on construit des bombes. Non. Au lieu de talab al-ilm qui est obligatoire et construire des revolvers qui est interdit, lui il fait le contraire. Il va essayer de construire des bombes et se laisser comme ça vide. Il ne connaît rien dans la religion. Dans son cœur, une toile d'araignée. Il ne connaît rien, ni aqida, ni rien. Mais on lui a ancré des idées dans sa tête il croit que ce qu'il fait, c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Bien sûr. Ladina dalla sa'yuhum fil hayat dunya, hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui sont dans l'égarement, mais ils croient qu'ils sont dans le vrai chemin. Non, beaucoup de gens sont dans l'égarement et ils croient quoi? Ils croient qu'ils sont dans le vrai chemin. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, inna a'lam al-dhunubi 'inda Allah, les plus grands péchés, le prophète alayhi wa sallam dit, les plus grands péchés chez Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup bien sûr, ici il va en citer trois des plus grands péchés chez Allah subhanahu wa ta'ala, à part le shirk. Je ne parle pas du shirk, c'est le plus grand péché qu'il y a en islam. Maintenant, il y a aussi d'autres grands péchés. Il a dit, inna a'zam dhunub 'indallah, parmi les grands péchés chez Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun tazawwaja imra'atan, un homme a épousé une femme. فلما قاض حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. Quand il a eu ce qu'il voulait d'elle, comme je vous le disais il y a quelques jours, des tentations, il boit des choses, etc., la télévision, etc., il est excité, il va se marier. Maintenant, il a dit, quand il s'est marié, il a fait ce qu'il voulait d'elle, il est parti et il ne lui a pas donné sa dot. Il n'a même pas donné la dot. Car la dot, on n'est pas obligé, bien sûr, de la donner avant de consommer le mariage. On peut la donner après. Ça peut être une dette. On a une dette chez notre femme. On la lui donne dans 5 ans, dans 10 ans. On peut même mourir sans la donner. Elle la prend après. L'essentiel, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a une dot. Reconnaître et dire, voilà, je donnerai, Inch'Allah, la dot. On la fixe. Même si on la fixe pas, c'est pas interdit. Mais l'essentiel, c'est d'avoir dans le cœur l'intention de la donner. C'est pour ça qu'une femme en islam, une femme, quand son mari ne lui donne pas la dot, elle n'est pas obligée d'accepter de consommer le mariage. Elle n'est pas obligée. Non, c'est son droit. Elle dit, tant qu'il ne me donne pas la dot, je ne consomme pas le mariage. Non, jusqu'à ce qu'il me la donne. Parce que la dot, en fin de compte, on la donne en contrepartie de la consommation du mariage, en contrepartie des rapports qu'on fait avec la femme. Donc maintenant, une femme peut dire, tant qu'il ne m'a pas donné la dot, je ne voudrais pas yani, consommer le mariage jusqu'à ce qu'il me la donne. C'est pour ça que Ibn Hajr al-Asqalani dit dans Fath al-Bari, il est préférable pour une femme, lors du mariage, lors du contrat, il est préférable de fixer la dot. Naam. On peut ne pas la fixer, j'ai dit tout à l'heure, on peut ne pas la fixer et se marier. L'essentiel, c'est qu'il a l'intention de donner la dot. Mais quand on la fixe, c'est mieux. Parce que si jamais il se retire, il dit non, j'ai changé d'avis ou là, puisque la dot a été fixée, donc il va donner la moitié de la dot. Mais si jamais on n'avait pas fixé la dot et il a changé d'avis, il a dit, là je ne me marie pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit seulement acheter quelques vêtements, etc. Donc, c'est pas très important. Mais s'il avait fixé la dot, ça aurait été mieux. Comme ça, il doit donner la moitié. Quand il se retire, il se désiste. Il dit, je ne me marie pas, j'ai changé de date. Sauf si c'est désisté à cause d'un défaut trouvé chez la femme qu'il a caché. Il ne savait pas que la femme avait ceci ou cela, ou il a découvert quelque chose qui est un défaut. Dans ce cas, bien sûr, c'est pas la peine de lui donner la moitié de la date. Al-Muhim, les trois grands défauts, c'est quoi? Les trois grands péchés ici. Le premier, c'est un homme qui s'est marié avec une femme. Dès qu'il a eu ce qu'il avait, il s'est enfui, il n'a plus donné signe de vie et il est parti sans donner la dot. Le deuxième, le hadith ici a employé seulement, non, les trois, non. Rajulun sta'mala rajulun fadahaba bi ujratihi. Le deuxième grand péché, c'est quelqu'un qui a fait venir quelqu'un pour travailler chez lui, pour lui faire quelque chose. Par exemple, il lui dit, construis-moi une maison, ou la peins-moi la maison, ou la voiture, elle a une panne, essaye de la réparer, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve et il ne lui donne pas ce qu'il devait lui donner. Non. Si quelqu'un, tu lui dis, répare-moi la voiture, il te la répare, il reste un jour ou là une demi-heure là en train de la réparer. Ensuite, tu lui dis, Je vais seulement l'essayer et je reviens. Je vais essayer la voiture pour voir si elle est bien réparée. Il monte dans sa voiture et il ne revient jamais. Non. Celui-là, c'est l'un des péchés qui rendront Allah subhanahu wa ta'ala courroucé au Qiyama, est l'un des grands péchés. Mais beaucoup de gens font cela, bien sûr. Beaucoup de gens font venir des gens comme les maçons, là les peintres. Il lui dit, travaille chez moi, il reste miskin hadak, un mois, deux mois, quand il termine, il lui dit, Wallah, yani, j'ai des problèmes, je ne peux pas te payer. J'ai des problèmes. Inch'Allah, je te paierai dans un mois. Inch'Allah, et ça commence comme ça. Un mois, deux mois, trois mois, une année, deux années, ensuite, il ne lui donne pas. Et il y en a pas mal de gens ici qui font cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Et d'après l'expérience que j'ai, et d'après les gens que j'ai entendu se plaindre, ceux qui font cette chose-là, ma'al asaf, la plupart du temps, ce sont les riches. La hawla wa la quwwata illa billah. Aussi contradictoire ça puisse paraître, mais c'est comme ça. C'est le riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent qui ne paye pas la plupart du temps. Alors que le moyen miskin, le moyen qui a juste une paye, la plupart du temps il paye les gens. Mais les gens qui sont riches, c'est la plupart beaucoup d'eux, du moins d'après ce que j'ai entendu, ce sont eux qui ne payent pas, sauf bien sûr ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit le troisième, c'est qui le troisième qui rentre dans les grands péchés? Rajulun istamala wa akhar yani yaqtulu dabbatan abathan. Il a dit, et le troisième, c'est quelqu'un qui tue un animal sans raison. Naam, quelqu'un qui tue un animal sans raison. Il y a certains gens qui, par exemple, n'ont rien à voir pour là, ils trouvent un oiseau, par exemple, un oiseau, comme ça, yani, qui n'a pas d'aile, ou là, qui est blessé, ou là, il le prend, yani, il le tue. Il le tue, yani, sans raison. Il y a des gens qui jouent, par exemple, ils sont armés, ou là, il prend son revolver, il commence à tirer sur les chats. Il voit un chat, il le tue. Il y a des gens qui, yani, ils faisaient cela, la hawla wa la quwwata illa billah, ils prenaient des chats. Ils montaient, yani, dans la terrasse de l'immeuble. Il montait dans les terrasses de l'immeuble, en haut, tout à fait haut, avec un chat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il le prenait par la queue. Il tournait le chat et le jetait d'en haut, du 10e étage, du 12e étage, et riait. Il se tenait le ventre et riait. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Quiconque tue un animal, abathan, comme ça, sans raison. Ce n'est pas, il veut l'égorger pour le manger. N'est pas, non, il le tue comme ça, sans raison, celui-là, Yawm al-Qiyama. Et vous connaissez le, qu'on a toujours répété, la femme qui est rentrée en enfer à cause du chat. La femme qui est rentrée en enfer à cause du chat. C'est la même chose. Yani, quiconque tue un animal sans raison, celui-là, il a fait un grand péché. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna a'mal l'ibad tu'arad Yawm al-Ithnain wa Yawm al-Khamis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions que font les créatures chaque lundi et chaque jeudi, elles sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant nous, tout ce qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien sûr, il sait ce qu'on fait par détail, il sait même ce qu'on pense dans notre cœur, ce que on est en train de penser dans notre cœur entre âme et conscience, il le sait. Le voisin qui est assis devant moi, il ne sait pas à quoi je suis en train de penser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Allah ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latif al-khabir. Il m'a créé. Comment qu'il ne sait pas alors que c'est lui qui m'a créé? Mais les anges écrivent. Tout ce qu'on fait est écrit. Les anges écrivent. Ce que les anges écrivent, ils le montrent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le montrent et ils exposent, ils font des rapports. Ils le montrent chaque lundi et chaque jeudi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup jeûner le lundi et le jeudi. Et quand on lui a dit pourquoi, il a dit voilà la cause. Car nos actions sont montrées à Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi. Et j'aime que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit mes actions, que je sois en plein, yani jeûne. Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Regardez, yani fadl, celui qui jeûne le lundi et celui qui jeûnent le jeudi, masha'Allah alayh. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna aqwaman bil madinati khalfana, ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Habisahum al-'udhr. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il est allé faire la guerre sainte, il a dit, il y a des gens, il y a des groupes là, il y a des gens qu'on a laissés à Médine, ils sont derrière nous. Et pourtant, on n'a pas marché dans un sentier, et ou bien on n'a pas traversé un lac sans qu'ils ne soient avec nous. Subhanallah, comment? D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on les a laissés à Médine. Ensuite, maintenant, il dit, maintenant, quand on est en train de marcher, quand on traverse le lac, ils traversent avec nous. Quand on prend ce sentier-là, ils sont avec nous. Pourquoi? Il a dit, habisahum al-udhr. Il a dit, parce que ils ont eu des excuses. Ça veut dire que, s'ils n'avaient pas eu d'excuses, ils seraient venus. S'ils n'étaient pas malades, ils seraient venus. Ce sont des gens qui n'ont pas pu aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la guerre sainte. Ou bien, ils n'avaient pas, par exemple, le chameau ou le cheval. Fallait marcher, 500, 600 kilomètres. Fallait que chacun ait la monture. Que chacun ait la lance avec lui. Etc. Il y a des gens qui n'avaient pas cela. Celui-là, il ne peut pas partir au djihad. Celui-là, il va te faire des problèmes. Comment tu, à cause de lui, tu vas t'arrêter, il ne peut pas marcher, il est fatigué, etc. Donc, celui-là, il vaut mieux qu'il reste. Il reste où? Il reste chez lui, il reste à la maison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ceux qui ne pouvaient pas partir. Ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes graves. Ceux-là, ils sont excusés. Mais il a dit quoi? Il a dit, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils ont fait la chose. Pourquoi? Parce que ce qui les a retenus, c'est l'excuse valable. C'est l'excuse valable. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'intention joue un très très très grand rôle. L'intention joue un très très grand rôle. Et le prophète alayhi sallam a dit, innamal a'mal bin niyyat. Les actions dépendent de quoi? Dépendent des intentions. C'est l'intention qui précède toujours. C'est l'intention qui précède quoi? Qui précède l'action. Naam. Si l'intention vient après l'action, elle compte pas. Imaginez, je donne un exemple très simple. Imaginez que je donne par exemple 100 euros à quelqu'un. Voilà, je lui ai donné 100 euros, par exemple pour l'aider, sabillah. Ensuite, je me souviens, je lui dis subhanallah, le lendemain je lui dis subhanallah, j'avais oublié de faire la zakat. Subhanallah l'adim, il me faut que je fasse la zakat avec mon argent, subhanallah l'adim. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, alors khlas, puisque je lui ai donné hier 100 euros et ma zakat, Il faut que je sorte 100 euros. Donc je vais faire l'intention de l'argent que j'ai donné hier comme zakat. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire l'intention de la zakat avant de donner. Maintenant, tu as donné avec l'intention que c'est pas zakat, ce n'est plus zakat. Il faut que tu cherches 100 autres euros et les donner pour la zakat. L'intention joue un grand rôle. C'est pour ça que les gens ici ne sont pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, ceux-là sont avec moi. Ils sont excusés. Et il se peut le contraire. Il se peut que quelqu'un soit avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, et que dans son cœur, il n'avait pas cette intention, il ne voulait pas partir, il ne veut pas, il est contre dans son cœur. Celui-là, c'est comme s'il n'était pas parti. Non. Donc celui-là est avec lui. C'est comme s'il n'était pas parti. Et l'autre qui est resté chez lui, c'est comme s'il était parti avec lui. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. C'est pour ça que quand je vous parlais de la hijra, je vous disais toujours que faites toujours l'intention dans le cœur, que dès que inchallah l'occasion sera propice, je partirai. Dès que j'aurai inchallah assez d'argent ici, je partirai. Mais celui qui reste comme ça, il fait pas l'intention, ça c'est grave s'il meurt. Pourquoi? Il n'avait pas l'intention dans le cœur. Ça lui a plu de rester là-bas entre les kuffars, il a dit je suis bien ici, il ne me manque rien, j'ai tout, alhamdoulilah, je vis bien, c'est la vie est simple. Ada, il vit entre les kuffars, c'est grave. C'est pour moi qu'il faut qu'il mette l'intention dans le cœur que quand inchallah ta'ala dès que l'occasion propice se présente, je serai inchallah ta'ala parmi les premiers. pour ça que je vais vous donner une base, par exemple, pour ce qui concerne, l'intention, tellement, yani, c'est vaste, c'est large, c'est grand. Regardez, en général, quand on a l'intention, par exemple, de faire le haram, je parle maintenant, par exemple, de l'intention de faire le haram, et je le fais pas. On va diviser ça en quatre groupes. Hein, quatre groupes, quand on veut faire le haram, à l'intention. Premièrement, il y a celui qui, le péché, n'est jamais passé dans son idée. Hein, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, moi maintenant, je suis assis là, je ne suis pas en train de penser à boire de l'alcool. Je ne suis pas en train de penser à voler quelqu'un. Je ne suis pas en train de penser à faire le shirk, aller dans une tombe et demander aux morts de me donner des enfants. Donc, en même temps, vous remarquez, je n'ai pas fait le shirk et je n'ai pas fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas volé, je n'ai pas fait le shirk, je n'ai pas fait la zina, je n'ai pas bu d'alcool. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va me donner des ajr? Est-ce qu'il va me donner des ajr, des hasanat pour ne pas avoir bu de l'alcool, pour ne pas avoir fait le shirk? Il ne va pas me donner. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est passé par ma tête et j'ai dit non, je vais pas la faire. Si j'avais dit cela, il m'aurait donné des ajr. Ça veut dire, il n'y a pas une femme qui m'a dit, par exemple, viens faire la zina, je lui ai dit non. Comme ça, j'aurais eu un ajr. Quelqu'un est venu me dire, viens, on va dans un bar, je lui ai dit non. Là, j'aurais un ajr. Mais maintenant, ces choses ne sont pas passées par ma tête. Il faut que la chose passe par ta tête et que tu dises non. Là, inshallah ta'ala, tu as le ajr. Donc, c'est le premier cas. Le premier cas, c'est quand la chose, on n'imagine pas. On n'imagine pas la chose et on ne la fait pas. Dans ce cas, on n'a pas le ajr. Maintenant, le deuxième cas, c'est quelqu'un qui a l'intention de faire le mal, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a l'intention de faire le mal, mais il ne peut pas le faire. Par exemple, quelqu'un qui voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il passe tout son temps à, par exemple, dans des bars, avec des femmes, avec ceci, avec cela. Alors, la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, dans son cœur, il se parle à lui-même. Il dit, si j'avais de l'argent comme celui-là, j'aurais fait comme lui ou plus. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit comme s'il avait fait la même chose que l'autre. Mais l'autre, le premier, a beaucoup plus de péchés que celui-là. Pourquoi? Le premier qui a beaucoup d'argent a fait, il fait, il est tout le temps dans le bar, il est tout le temps dans la zina. L'autre ne fait pas, mais il a fait avec quoi? Avec l'intention. Il a dit, si je pouvais, je faisais. Donc celui-là, seulement avec l'intention, il va avoir les ithmes. Mais ces ithmes sont moins graves que le premier. J'ai dit, car le premier faisait, et celui-là faisait seulement avec son cœur. Et le troisième cas, c'est quelqu'un qui fait l'intention, il l'a dans le cœur, et en même temps, il va essayer de faire. Il va essayer de faire. Même s'il arrive ou là, s'il n'arrive pas au résultat. Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, idal taqa al musliman bi sayfihima fal qatil al maqtul fi an-nar, il a dit, si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué iront en enfer. On a dit, ya Rasulallah, on n'a pas bien compris. Le tueur, certes, il sera en enfer, mais le tué miskin, qu'est-ce qu'il a fait, le tué? Il a été tué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré, il leur a dit, n'insistait-il pas pour tuer son frère lui aussi? Ils ont dit si. Il a dit, tant que c'est cela. Donc le tuer, celui qui est tué, lui aussi va aller en enfer. Pourquoi? Parce que si on l'avait pas tué, il l'aurait tué. Donc celui-là, il avait l'intention dans le cœur de tuer, seulement il n'est pas arrivé à ses fins. Donc le troisième cas, c'est celui qui a l'intention de faire quelque chose et il l'a fait, et il n'arrive pas à ses fins. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit, c'est comme s'il avait fait la chose. Je donne un exemple. Quelqu'un dit, demain, je vais aller voler la banque. La nuit, il fait des plans, etc. Il dessine comment je vais rentrer, comment je vais sortir, etc. Le lendemain, il va à la banque et il trouve quoi? Il trouve par exemple 200 policiers qui entourent la banque. Il se dit, la hawla wa la quwwata illa billah, je ne savais pas qu'il y avait des policiers qui étaient là. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la maison. Il croyait qu'il n'allait trouver personne, bien sûr. Donc celui-là, il a volé, il n'a rien volé. Il n'a pris aucun euro. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a volé. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui écrire qu'il est parti à la banque et il a volé tout l'argent qu'il y avait ce jour-là à la banque. Pourtant, il est revenu chez lui, il a bu du thé. Naam. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a volé. Pourquoi? Il avait l'intention et il a essayé de faire. Il a l'intention et il a essayé, il n'est pas arrivé à ses fins. Il n'est pas arrivé. Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu qu'il arrive. Donc celui-là, il a quoi? Il a des péchés. Et le quatrième cas, c'est quoi? C'est celui qui a l'intention de faire le haram, ensuite il se désiste et il ne fait pas le haram à cause, je dis bien à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Celui-là, il a quoi? Celui-là, il a beaucoup de hasanat. Il a, yani dans son cœur, celui-là dans son cœur, il allait faire le haram. Ensuite, il l'a laissé à cause de quoi? À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, il a dit yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Naam. Il a dit, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne fait pas de rapport, c'est-à-dire pendant le ramadan, à cause de moi. Donc quand quelqu'un ne fait pas une chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il a beaucoup de ajr chez Allah subhanahu azza wa jal. Regardez Yusuf alayhi salam, quand Zuleika lui a demandé de faire la zina, qu'il n'a pas accepté. Il a dit ma'av Allah innahu rabbi ahsana matwai. Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Qu'il était min al-mukhlasin et min al-sadiqin, et qu'il était l'un des meilleurs chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait cela à cause de quoi? Au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme qui lui a demandé de faire cela, c'était l'une des plus belles. Et elle était habillée d'une façon très très excitante. Et elle avait fermé toutes les portes. Et il était jeune. Et il était loin de son pays. Et il était beau. Et elle lui a dit, tu fais pas, tu vas aller en prison. Et mais il y avait mille choses qui attiraient. Il a dit, ma'adallah, innahu rabbi. C'est pour ça dans le hadith sahih, les sept gens, les sept personnes que Allah subhanahu wa ta'ala mettra sous l'ombre, sous son ombre, le jour du jugement dernier, continuera d'ombre que son ombre, c'est qui? Rajulun, un homme, da'atu imra'atun, qu'une femme a appelé pour la zina, datu mansab wa jamal, une femme d'une beauté exceptionnelle, et datu mansab, elle est la fille de X et Y. X, c'est pas n'importe qui, la fille de X, d'un ministre, ou là, du roi, ou là, de je ne sais pas qui, ou là, elle-même, elle a un grand poste. Et il a dit non. Donc ce n'est pas une vieille de 70 ans, c'est une jeune, et ce n'est pas une pauvre, et ce n'est pas une moche. C'est yani, une fille, une femme qui attire beaucoup, et il a dit non. Les ulama ont dit la même chose pour la femme. Quand un homme, c'est lui qui demande à la femme, et lui il est beau, ou là il est ministre, ou là il est kada, ou là il est le plus riche du monde, et elle dit non, ma'ad Allah. Je ne fais pas ça, haram, ma'ad Allah. Il a dit ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala prendra cette personne, que ce soit une âme et une femme ou un homme, il la mettra sous l'ombre, alors qu'il n'y a aucune ombre, ni l'ombre d'un arbre, ni l'ombre d'une montagne, hasta l'ombre des personnes, il n'y a pas. Quand on est debout, yom al-qiyama, il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire, si tu avais toi un peu d'ombre, je serais à tes côtés et je me cacherais dans ton ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il y a seulement l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ombre de son trône. Comme dans un autre hadith sahih, ceux-là ne pourront sortir du grand soleil et aller sous l'ombre du trône que les personnes que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Il dit toi, X, seulement ceux-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de ceux qu'il va rentrer sous l'ombre le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre du trône. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Les ulama ont dit plus. La tentation est grande et puissante pour faire le haram et tu le fais pas, plus le ajr devient plus grand. Naam. Plus tu as une tentation plus forte pour faire le haram et tu le fais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu souffres à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tu es en train de faire le djihad. Ça veut dire tu as le feu qui brûle ton cœur et tu fais pas. Plus tu es comme ça, plus le hajr est grand. Naam. Plus c'est une règle que les ulama ont dit. Ils ont dit kullama qawiyat dawa'i wa himam fi'l al-ma'siyah. Thumma taraka al-insan 'azuma al-ajr. Taraka al-mu'min. Donc quelqu'un par exemple qui s'est beaucoup habitué à l'alcool, qui est un alcoolique, ou là la drogue c'est pire, Allah al-afiyah, c'est pire que l'alcool. Ensuite il est devenu inshallah mashallah mustaqim, il pratique, mais c'est un peu difficile pour lui, surtout quand il est nouveau. Pourquoi? Il y a avec la drogue qui l'attire, l'alcool qui l'attire encore. Il se dit non, il faut que je tienne, il faut que je supporte, c'est pour Allah, c'est pour demain, c'est pour le paradis. Plus il fait comme ça, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le hajj. C'est pas comme quelqu'un par exemple qui là par exemple le vin ça lui dit rien, la drogue ça lui dit rien. Celui-là, quand il fait pas la drogue ou là il fait pas le vin, inshallah il a le hajj, mais il n'a pas comme le premier qui est en train de souffrir. Donc plus les tentations sont grandes et plus tu te maintiens et tu te retiens au visage d'Allah, à cause d'Allah, plus les hajj sont grands. Regardez, on revient à Youssef alayhi salam. Il était beau. Quiconque de beau, il voudrait tout faire. Quelqu'un quand il est beau, yani, il est ce qu'on appelle en arabe, il est maghrour. Il est maghrour. Là, s'il est beau, il ne peut pas se retenir. Il était beau. Il était loin de son pays. Quand on est loin de notre pays, moi je vis seul dans un autre pays, je fais tout ce que je veux. Je ne fais pas dans mon pays, on va dire à mon père, à ma femme, à mes enfants, à mes voisins. Maintenant je suis dans un autre pays, personne ne sait ce que je fais. Youssef était dans un autre pays. Ensuite la femme était l'une des plus belles. Elle est rentrée chez lui dans une tenue des plus excitantes. Elle avait fermé toutes les portes. Elle lui a dit, si tu fais pas, tu vas aller en prison et je te ferai ceci, ceci et cela. Et malgré toutes ces tentations, il a dit ma'adallah, astaghfirullah, moi je fais ceci, ma'adallah, innahu rabbi, ma'adallah, je fais pas cela. Innahu rabbi, la plupart des ulama disent, il parle de son mari. On dit rabbul bayt, rabbul masna, ça se dit en arabe. Innahu rabbi, ça veut dire c'est lui qui m'a rabbani, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui m'a amené dans ce palais, c'est lui qui m'a tout donné, ensuite je le trompe. Ma'adallah, comment? Yani, je reconnais pas yani, ce qu'il m'a fait, ma'adallah. Beaucoup, la plupart des ulama ont dit Rabbi ici, ça veut dire il parlait du mari de la femme. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, et d'autres ont dit Rabbi ici c'est Allah. Ils ont dit c'est Allah. C'est pour ça qu'il y a divergence. Ils ont dit Rabbi ici, il a voulu dire c'est Allah. Moi-même, ça soit ceci ou cela, il n'a pas fait la zina, il n'a pas fait la fahisha. C'est pourquoi le contraire est valable. Comment ça le contraire est valable? C'est-à-dire que plus les tentations pour faire le péché sont faibles, les tentations sont très faibles. Pour faire le péché, on n'a pas de tentation. Et si quelqu'un ou cette personne va faire le péché, plus si Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment est grand. C'est le contraire de la première règle. Cette deuxième règle, c'est le contraire. Cette deuxième règle dit plus, ou là on dit moins. Moins les tentations, moins il y a de tentations pour faire le péché. Et une personne va faire le péché alors qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas des choses qui attirent. Plus le péché, plus le hitm, plus le châtiment est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sans délit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parlera pas yawm al-qiyama. Et ne les regardera pas, ne regardera pas en leur côté, il ne va pas les regarder. Et ils auront un châtiment élim, un très très grand châtiment. Des trois, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité Sheikhun Zani. Il a dit un vieux ou un vieillard qui fait la zina. Non. Est-ce que quelqu'un qui est vieux, qui a 60 ans ou 70 ans, là, est-ce qu'il a des tentations pour faire la zina? 70 ans, celui-là, il doit prendre un côté et s'asseoir et lire le Coran du matin au soir parce qu'il ne lui reste pas beaucoup pour mourir. Imagine maintenant celui-là, 70 ans ou là, il cherche à faire la zina et il essaie de faire la zina. Quoique, entre parenthèses, je dis entre parenthèses, maintenant, il y en a beaucoup, même à cet âge, veulent faire ces choses. Vu que la zina est partout maintenant, à la télévision, partout. C'est pour ça que maintenant, il y en a même à 70 ans là, il est possible que quelqu'un veuille faire cette chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire beaucoup confiance à n'importe qui. Ne pas dire celui-là il est âgé ou là, il a dit que c'était autrefois. Donc je reviens au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur parler au Qiyam, ne va pas les voir et auront un châtiment, un supplice, un grand supplice. Ce sont qui? Il a dit un vieillard qui veut faire la zina. Un vieillard, la zina n'avait pas de tentation. Il veut faire la zina. Celui-là il est jeune, il a fait la zina, il n'a pas d'excuse, bien sûr. Mais au moins, il avait les tentations qui l'ont poussé. Mais toi, 70 ans, comment tu vas faire la zina? Et les deux autres, il a dit, si je me rappelle bien, il a dit, Malikun Keldab. Non, Malikun Keldab. Un gouverneur ou là, un roi ou là qui ment. Pourquoi tu mens? Quand quelqu'un est gouverneur, c'est lui qui commande tout le monde. Pourquoi nous on ment? On ment parce qu'on a peur. Si je mens pas celui-là, il va me frapper. Toi, tu peux frapper un gouverneur? Si je mens pas celui-là, il va m'emprisonner. Toi, tu peux emprisonner un gouverneur? De qui a-t-il peur le gouverneur? Il commande tout le monde. Pourquoi alors il ment? C'est le deuxième. Le troisième, il a dit, wa a'ilun mustakbir. Il a dit un pauvre, et en même temps, il est orgueilleux. Le pauvre, normalement, hein, il doit se montrer, rien du tout. Celui-là, là, il est orgueilleux. Subhanallah, c'est contraire. Le pauvre, il est là, normalement, timide, s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi. Alors celui-là, il est orgueilleux, il lève la tête, etc. Il a dit, ces trois-là, oulayadu billah, humble, naam, humble. Ces trois-là, oulayadu billah, auront un supplice, comme pas de yom al-qiyamah. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un autre hadith, il a dit, inna al-imana, لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, en parlant de l'iman, il a dit l'iman qu'on a dans le cœur, il a dit il s'use exactement comme s'use le vêtement. Naam, il a dit فاسألوا الله, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala أن يجدد الإيمان في قلوبكم, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler la foi dans votre cœur. La foi, elle est qu'on a, elle change d'une personne à l'autre. Ma foi n'est pas comme la foi de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. La foi de Omar, radiallahu ta'ala anhu, n'est pas comme la foi de Abu Bakr Siddiq. C'est le meilleur après les prophètes. La foi de Abu Bakr n'est pas comme la foi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça. Ensuite, la foi monte et descend. Aujourd'hui, je sens, mashallah, la foi. Ensuite, demain, je sens que je suis faible. Deux jours après, je sens, mashallah, ça vient. Ensuite, ça descend. Et comme ça. Donc, la foi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ça s'use, l'iman, ça s'use, comme s'use un vêtement. Tu vas laisser un vêtement sur toi. Une année ou la deux années sans l'enlever, il va devenir des lambeaux. C'est l'air, là, ce sont des lambeaux. C'est un chiffon. Il faut aller acheter un nouveau. La même chose pour la foi. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup de demandes pour la renouveler. Et c'est à peu près la voiture pour rouler, elle a une batterie. Si la batterie est vide ou la très faible, la voiture ne démarre pas. Donc la batterie, elle est, il faut bien la soigner, lui mettre tout le temps ce qu'il faut. On lui met de l'eau spéciale, etc., pour qu'elle se renouvelle. Sinon, la voiture ne va pas marcher. Maintenant, ton cœur, c'est la même chose. Si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le renouveler la foi à l'intérieur, tu fais de beaucoup de doua, beaucoup de nafila, beaucoup de jeûnes, beaucoup de domones, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle ta foi et tu la sens, mashallah. Mais si tu la laisses comme ça, laisser aller, chaque jour elle descend. Chaque jour elle descend, c'est comme le thermomètre, il descend, et un jour tu trouves que tu, astaghfirullah, tu as abandonné la salat. Ou là, tu as jeté le jilbab. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Mais ce qui est drôle, ce qui est étonnant, c'est que, parce que vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, à peu près en ce sens, il dit, dans tout le corps, il y a une partie de chair, une partie. Si cette partie, une petite partie, il parle du cœur, il dit si cette petite partie, il n'y est bien, tout le corps va être bien. Si cette partie n'est pas bien, ou la malade, tout le corps n'est pas bien, va être malade. C'est quoi cette partie? C'est le cœur. Quand le cœur est, masha'Allah, iman, et yani, crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., tu te sens, masha'Allah. Et il y a des prières à l'heure, il y a la nafila, tu veux faire l'aumône. Quand le cœur n'est pas bien, et la foi est faible, il est malade, yani, tout juste si on fait la prière, tout juste si on la fait à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas de nafila, il y a pas, on ne veut pas faire l'aumône, on ne veut pas jeûner sur les rogatoires, et comme ça. Mais ce qui est drôle, je disais, c'est que certaines personnes, quand elles sont malades au niveau du corps, et non pas du cœur, au niveau du corps, elles vont dans des pays lointains, jusqu'en Australie, s'il y a là-bas le professeur spécialiste du cœur, le cardiologue, pour se soigner. Naam, ils prennent l'avion, ils restent des mois, je ne sais pas où, en Amérique, là, pour se soigner. Et pourtant, si tu soignes, le maximum, c'est pourquoi? C'est pour que tu vives, c'est tout. C'est pas pour que tu ailles au paradis. C'est seulement pour que tu vives. Et pourtant, le cœur qui est plus important, qui, s'il est bien, on va aimer Allah, on va l'adorer, on va aller au paradis. Et pourtant, le cœur, quand il est malade, plus d'urgence, ça ne leur dit rien. Et pourtant, pour le guérir, il suffit juste de prendre un Coran qui est devant toi. Juste d'aller à la mosquée à 200 mètres pour assister à un dars. Juste pour mettre une cassette et écouter quelque chose de din. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le cœur est malade. Ça déjà, c'est un problème. Le fait qu'on ne puisse pas faire cela, c'est déjà parce que notre cœur est malade. Et pourtant, le jour du jugement dernier, ne réussiront et ne triompheront, comme dit le Coran, « Illa man at Allah bi qalbin salim » sauf qu'ils viendront vers Allah, sauf ceux qui rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et pour que le cœur saint, comme disent les ulama, c'est au moins le cœur qui n'a pas de shirk et qui n'a pas d'innovation. Celui qui triomphera demain, c'est celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui n'a ni shirk ni innovation. Les péchés, tous on en a. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas les péchés. Tous on fait des péchés du matin au soir. Mais l'essentiel, c'est de s'éloigner du shirk. Ensuite, des innovations. Ensuite, troisième chose, des grands péchés. Des grands péchés. Comme l'alcool, la zina, l'homosexualité, la drogue, le vol, d'où les grands péchés. Les petits péchés, tout le monde en fait, du matin au soir, comme des montagnes. Mais les petits péchés, alhamdoulilah, tu fais salat al-asr, ensuite tu fais des péchés, tu fais salat al-maghrib, c'est annulé. Ensuite tu fais salat al-maghrib, tu fais des péchés jusqu'au Isha. Isha, tu fais la Isha, les péchés sont annulés. Et comme ça, ils sont annulés entre les deux salats. Ça c'est fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les grands péchés et les innovations et le shirk, ça, il faut faire le maximum pour les éviter. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans ce hadith, إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. حديث صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith, hadith 1627, et c'est un hadith, bien sûr, un hadith authentique. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam parle maintenant de la Jannah. Il dit, inna ar-rajula min ahli al-jannah, il dit l'homme qui est du paradis, l'homme qui va rentrer au paradis, bien sûr, le croyant, car le kafir ne va pas aller au paradis, bien sûr. Il dit le croyant, quand il sera au paradis, la yu'ta quwwata mi'ata rajulin fil akli wash-shurb wash-shahwa wal-jima'. Allah subhanahu wa ta'ala donnera à l'homme. Quand je dis à l'homme, il donnera aussi à la femme, c'est sûr. Il donnera à l'homme la puissance de 100 personnes. En ce qui concerne le manger, le boire et les rapports sexuels. Il lui donne la force de qui? de 100 hommes. Naam. Parce que quand quelqu'un va rentrer au paradis, il ne va pas rentrer avec cette taille. Vous savez tous qu'il va rentrer avec 30 mètres de hauteur. Il sera haut de 30 mètres. Pourquoi ? Parce que déjà, s'il rentre comme ça, avec notre taille, il va rentrer avec 1m60 ou 1m70. Et l'arbre qui fait 50 ou 60 mètres de hauteur, je ne sais pas comment il va manger à Hadassah. Quoique les fruits, bien sûr, descendent, mais il va se sentir comme un pygmée devant cet arbre, etc. C'est pour ça que l'Allah va lui faire de sorte qu'il soit grand, de façon à ce qu'il puisse manger beaucoup, et il lui donne un nain. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la puissance de 100 hommes. Imaginez, si quelqu'un dans cette vie, par exemple, quand il mange, quand il commence à manger, par exemple, à midi, pour être rassasié, par exemple, il mange, par exemple, disons 500 grammes. 500 grammes de manger, c'est un exemple. Le jour du mois dernier, c'est multiplié par 100. L'année, 500 multiplié par 100, ça donne 50 000. Ça change tout. Donc en boisson, question de manger et question de quoi? Question de rapport. Quand il fait le rapport avec sa femme, il a la force de 100 hommes. Et bien sûr, la femme a beaucoup plus de force qu'ici pour qu'elle puisse supporter ces choses. Il a dit Hajatu ahadim araqun yafidu min jildi. Il a dit là-bas au paradis, quand quelqu'un mange, il a mangé comme mange 100 hommes. Il a bu comme boivent 100 hommes. Maintenant, il veut, par exemple, il veut faire ses besoins. Au paradis, il n'y a pas on fait ses besoins. Il n'y a pas on va déféquer, il n'y a pas on va uriner. Et il n'y a pas les monstrues, il n'y a pas les louchis, il n'y a pas la mort. Donc, comment qu'il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala, dès que le manger elle rentre dans son ventre, Allah subhanahu wa ta'ala fera de sorte que En quelques secondes ou là, en une seconde ou là, tout est digéré et se transforme en un liquide qu'on appelle musc, qui a une très très belle odeur et qui commence à sortir par les pores, les trous de notre peau. Vous savez que notre peau, on a tous des pores, on a des trous dans notre, on les voit avec les microscopes, etc. À partir de ces pores, va sortir, il y a une odeur, mashallah, une odeur que personne n'a senti ici dans ce monde. Cette odeur, c'est quoi? C'est le manger que tu as mangé et la chose que tu as bu. Alors qu'ici, dans cette vie, quand on mange et on boit, si on va aux toilettes, c'est tout à fait le contraire. C'est la mauvaise odeur. Maintenant, on est au paradis, c'est le contraire. Tu manges et tu bois, et il n'y a pas de toilettes. Seulement, c'est l'odeur qui sort des pores, de nos trous, donc le jour du jugement dernier, on n'aura pas cette allure, bien sûr, on n'aura pas cette forme, et tout changera au paradis, à commencer par la taille qui fait 30 mètres jusqu'à beaucoup beaucoup de choses. C'est pour ça que certains ulama disent, quand vous voyez, vous lisez dans le Coran, c'est écrit par exemple le roman ou fawakih, les grenades, les bananes, c'est aussi dans le Coran. Les raisins, toutes ces choses, c'est seulement des noms. C'est pas un raisin comme le raisin qu'on achète ici. Sinon, tout le monde dira, c'est quoi ce paradis? Subhanallah l'adim. Ce raisin, il y avait, je l'achetais moi quand j'étais vivant. J'en achetais mieux que celui-là même. Ah, c'est pas, astaghfirullah. C'est impossible. Ce sont seulement des noms. Ça a le même nom, mais ni la même forme ni le même goût. J'ai lu dans certains tafsirs que un seul habba anab, un seul, pas la grappe de raisin, un seul, une grappe de raisin contient beaucoup de habbat. Ils disent un seul grain, je ne sais pas si ça s'appelle grain, je ne sais pas. Le grain, c'est d'après moi, le grain, peut-être, voilà, je ne sais pas. Je croyais que le grain, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de... Quand tu manges, tu jettes les grains. Je croyais, je ne sais pas. Un seul grain de raisin, il faut faire venir un âne, il faut à peu près un âne, habba, c'est ça. Habba'anab, un grain de raisin, un seul grain, il faut un man pour pouvoir le prendre. Naam, un grain de raisin, si toi tu veux le prendre, tu peux pas. Tu fais venir deux personnes pour eux, ils peuvent pas. Il faut venir un man ou un cheval pour prendre un grain de raisin. Tellement yani, c'est grand, et tellement, c'est pas la peine de parler de, du goût. Le goût, on n'a jamais eu comme quelqu'un qui n'a jamais goûté. Quelqu'un qui n'a jamais goûté. كلما رزقوا منها من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Chaque fois que tu manges quelque chose, tu crois, tu dis subhanallah, ça je l'ai mangé tout à l'heure. Là je dis non, tu as ressemblé, c'est tout. Celle-là tu l'as pas mangé. Tout ce que tu manges est nouveau. Tout ce que tu manges est nouveau. Tout ce que tu vois est nouveau. Non, tu t'es trompé. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. Même le kafir quand il sera en enfer, il ne sera pas sous cette forme et sous cette allure. Naam. Car le feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya, est tellement chaud et tellement grand et chaud, que si Allah subhanahu wa ta'ala faisait rentrer le kafir avec la forme qu'il a maintenant, 1m70, 1m80, 1m90, hada, celui-là il ne peut pas rentrer en enfer. Pourquoi? L'enfer est tellement chaud, tellement ses flammes sont grandes et vont loin les flammes, que le kafir, s'il était avec cette taille, il serait fondu, il serait devenu, il aurait fondu avant d'arriver des centaines de kilomètres. C'est pour ça que dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on trouve inshallah aussi dans ce sahih al-jama, il a dit que inna ghilada jaldi al-kafir, inna ghilada jaldi al-kafir 42 ذراعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement dernier, le kafir, ce kafir, sa peau, regardez sa peau, moi quand je regarde ma peau, j'essaie de tirer comme ça avec mes doigts ma peau, combien qu'elle doit faire centimètres ma peau? Elle fait peut-être 5 cm, 10 cm maximum ma peau de largeur. La peau du kafir, moi j'ai dit 10 cm, c'est beaucoup. La peau du kafir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fera 21 mètres. Naam. 21 mètres seulement la largeur de la peau. Regardez-moi quand je rentre une épingle, quelques centimètres là, elle a trouvé ma peau. Le kafir, la largeur de sa peau fait 21, l'épaisseur. L'épaisseur de sa peau fait 21 mètres. 42 dirham. La hawla wa la quwwata illa billah. 21 mètres. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa inna dhirsahu, et sa dent, la dent du kafir, wa inna dhirsahu mithlu Uhud. La dent du kafir, c'est comme la montagne de Uhud. Vous avez été à la Mecque, la montagne de Uhud, combien qu'elle fait? Subhanallah al-Azim. Une dent, c'est-à-dire une seule dent, c'est comme une montagne. Si la dent est comme une montagne, et sa peau fait 21 mètres d'épaisseur, combien doit-il faire de hauteur? Combien il doit faire, la taille qu'il va avoir? Naam. Et le hadith n'est pas terminé. Il a dit, wa inna majlisahu fi jahannam bayna Makkah wal Madina. Subhanallah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le kafir celui-là, quand il rentre à jahannam, quand il s'assoit fi jahannam ce n'est pas debout, assis et enchaîné. Quand il sera assis, il a dit, si on mesurait la place où il s'est assis, hein, on va mesurer, on va lui dire, lève-toi, on mesure combien tu as pris de place. Il a dit, sa place sera comme entre Mecca et Medina, c'est-à-dire entre 500 et 600 kilomètres. Quand un kafir s'assoit, il s'assoit seulement, il prend de l'espace entre 500 et 600 kilomètres pour s'asseoir. La hawla wa la quwwata. Comment il doit être, yani, c'est pas un cyclope, c'est pas un géant, je ne sais pas, il doit faire des kilomètres de hauteur et des kilomètres de largeur. Tout ça pourquoi? Pour que Jahannam trouve quoi manger, trouve quoi brûler. Jahannam ne peut pas brûler quelqu'un de notre taille. Quelqu'un de notre taille, à 500 kilomètres avant d'arriver à Jahannam, il devient khlas, il est fondu. Il faut que quelqu'un qui soit, yani, au maximum grand et large, des milliers ou là des milliards de kilos, il faut qu'il pèse. Le Jahannam trouve, trouve quoi brûler, naam. Il lui faut quelque chose de quoi brûler. Elle ne brûle pas yani, quelque chose comme ça qui ne vaut rien ou là, qui ne pèse rien. Elle veut de la viande. Jahannam cherche la viande pour la brûler. La hawla wa la quwata. Illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Je termine inchallah par ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna dunya mal'una. Il a dit ce bas monde est maudit, mal'un. Ce bas monde que nous vivons est maudit. Mal'un ma fiha. Ce qui est en elle est maudit. Ce qui est dans ce bas monde est maudit. Il a dit illa dhikrallah. Sauf dhikrallah subhanahu wa ta'ala. Sauf invoquer Allah subhanahu wa ta'ala wa ma wala. Et ce qui le suit. Yani, ce qui a rapport avec dhikr Allah, ce qui a rapport avec la crainte d'Allah, ce qui a rapport avec obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf cela. Il a dit wa aliman wa muta'alliman, ou bien alim, un homme de science, ou bien celui qui veut apprendre la science. Sauf ces quatre là, yani, ils ne sont pas maudits. Pour autre chose, yani, et maudit, ça n'a pas d'importance. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ce monde pour le monde, c'est pas une fin en soi. Le kafir dit c'est une fin en soi, moi je ne vis qu'une seule fois, il faut que je profite au maximum. C'est comme ça disent les kuffars, il faut profiter. Combien tu vas vivre toi? Demain tu vas être la poussière, demain tu vas être je ne sais pas où. Profite au maximum. Or il faut profiter du matin au soir. Et toi tu te dis tout à fait le contraire. Moi je profiterai demain quand je mourrai. Maintenant c'est pas l'endroit où je dois profiter, c'est l'endroit ou le moment où je vais profiter de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est-à-dire tout à fait le contraire. L'autre profite de choses personnelles et bien sûr de choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et toi tu profites pourquoi? Pour faire le maximum de choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Lui il s'est dit il n'y a rien demain, je veux tout maintenant. Toi tu dis, il n'y a rien ici, je veux tout demain. La hawla wa la quwwata. Regardez donc, on ne peut pas se comprendre. Moi et le kafir, on ne peut pas se comprendre. On a des points de vue différents, très opposés. Et lui, il vit pour cette vie, moi je vis pour l'au-delà. Lui, il vit pour lui-même, moi je vis pour Allah. Et lui, il n'a pas de projet. Manger, boire, faire la zina et dormir. Et moi, j'ai beaucoup de projets. Essayer d'obéir à Allah. Essayer de faire une chose pour qu'il m'aime, et je vais essayer pour qu'il me fasse rentrer au paradis, je vais essayer pour. Donc moi j'ai des buts, et quel noble but. L'autre n'a pas de but. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Les kuffars يتمتعون, يعني profitent et mangent comme mangent les bestiaux, et c'est l'enfer, comme ça a dit le verset لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et le kafir qui croit, il croit bien sûr, il croit qu'il est très intelligent. Masha'Allah, il est très intelligent. Du matin au soir, il profite. Il profite. Il se remplit d'argent. Il profite, il boit au maximum. Il fait au maximum ce qu'il veut. Il se croit très intelligent. Et toi, tu es un arriéré, toi. Toi, miskin, toi. Là, tu es un pauvre. Miskin, quand je te vois, tu me fais de la peine. Et les gens profitent, et toi, tu es là, resté, en train de prendre un livre et de lire. Ah, tu es là à la mosquée. Tu es là avec ton djilbab, tout est haram, tu vas pas danser, tu vas pas boire. Allah, tu es un pauvre, toi, tu es un pauvre. Mais comme ça, il pense, miskin, moi qu'est-ce que je dis dans le cœur? Toi aussi, tu lui dis, hey, miskin, si tu savais demain, qu'est-ce qu'il y a à ton miskin? Demain, on verra qui c'est le miskin. Demain, quand on va mourir, et tu vas voir que tu as tout perdu, tu n'as rien gagné. Où est l'alcool que tu as bu? C'est terminé. Où est le port que tu as? Où est les plaisirs? Où sont les plaisirs? Tout est perdu, tout est parti, tout s'est évaporé. Maintenant, montre-moi ce que tu as présenté pour ce jour. Il n'y a rien, il n'a rien devant lui. Et on m'a dit, du coup, l'on a fait ma amit min khayrin, muhdaran, wa ma amit min sou. Naam. Ce jour-là, yaoudou l'adina kafaru wa asaw rasoul, yaoudou souwa bihim l'ard. Ce jour-là, les kuffars, comme a dit le Coran, souhaiterait qu'il devienne de la terre. Naam, devienne de la terre. Seulement, je rentre pas à Jahannam. Je deviens de la terre, khlas. Et seulement, je voudrais pas que je rentre à Jahannam. Pourquoi? Parce que nous, alhamdulillah, on a un but. Et on sait que ce bas monde, comme d'ailleurs vient de dire le hadith, il est maudit. Ce bas monde, il est maudit. Sauf la chose qui est pour Allah. Toute chose qui n'est pas pour Allah dans ce bas monde est maudite, elle n'a pas d'importance. Donc moi, j'ai dans la tête que je suis en train de passer un examen. Moi, je suis dans un examen assez difficile. Il faudrait que je révise beaucoup, que j'apprenne bien mes leçons. Pourquoi ? Pour réussir l'examen. Cet examen, ma, entre parenthèses, la tricherie ne marche pas, la duperie ne marche pas, et le professeur ne peut pas m'aider. Le surveillant qui va me surveiller ne peut pas m'aider, c'est impossible. Donc je suis dans un examen assez difficile, ne réussira que celui qui a bien révisé et a pris ses cours. Le kafir, bien sûr, ne sait pas qu'on est dans un examen, ça l'intéresse pas ce qu'on est en train de dire. Maintenant, nous, on sait qu'on est dans un examen, un grave, un grand examen. Et demain, quand tu mourras, tu vas voir les résultats de l'examen. Tu as bien révisé, tu as bien travaillé, tu vas trouver le grand cadeau qui t'attend. Tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas révisé, tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas voulu prendre des causes. Tu n'as pas, donc tu sais que tu ne vas pas réussir. Dans ce cas, il faut ne plaindre personne. Il faut que tu te plaignes toi-même. Ils disent, c'est de ma faute, je reconnais, je savais qu'il y avait un examen, je ne suis pas rentré à l'examen, ou bien je ne me suis pas préparé, j'ai rendu feuille blanche. Alors ce jour-là, ce sera très très difficile et très grave. Donc dalil que la vie ne vaut rien, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, qu'il a dit, si ce bas monde avait yani une petite importance, une petite, il n'aurait pas donné au kafir, il a dit, si ce bas monde valait chez Allah subhanahu wa ta'ala une aile d'un moustique, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Si, je vous donne un exemple, si maintenant j'ai de l'or devant moi, il y a des lingots d'or devant moi, les lingots d'or ont beaucoup d'importance, donc je ne vais pas les donner à n'importe qui. Si je donne un lingot, je le donne à mon père, à ma mère, et ensuite je ne sais pas si je vais encore donner. Bah, pourquoi? C'est très important. Mais maintenant, si autour de moi c'est plein de cailloux, et le premier qui passe devant moi, je lui donne un caillou, je lui prends un caillou. Pourquoi? Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Si j'ai donné tous ces cailloux, c'est que ces cailloux pour moi n'ont pas d'importance. Si Allah subhanahu wa ta'ala a donné au kafir tout ce qu'il a donné, il lui a donné tout cet argent, tout cet or, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il lui a donné, ça n'a pas d'importance. Il lui a pas donné quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. La preuve, il lui a pas donné l'iman. Il lui a pas donné les choses qui le poussent à rentrer demain au paradis. Il lui a donné seulement l'argent, il lui a donné seulement les tentations, il lui a donné seulement les plaisirs. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, il a dit wa ma hadhihi al-hayat ad-dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette vie d'ici bas n'est qu'un amusement et un jeu. C'est un amusement et un jeu, c'est tout. Et la demeure de l'au-delà, c'est assurément la vraie vie s'il savait. Comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a dit cette vie n'est qu'un amusement et un jeu. Mais la vie de l'au-delà, ce qui nous attend là-bas, c'est ça le hayawan, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, il a dit لو كانوا يعلمون. Mais s'il savait, non, c'est pour celui qui sait. Celui qui ne sait pas, c'est un pauvre. Il croit que c'est ça la vraie vie. C'est pas mesquine, c'est un pauvre. Là, le shaitan est dans son cœur. Mais celui qui sait que la vraie vie, c'est pas celle-là, qu'est-ce qu'il fait? Dès maintenant, tu le trouves en train de se préparer pour ce jour-là. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, la yadhlimu ahadan, Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, il n'est pas injuste, et en même temps, il ne pistonne pas. L'azawajal ne pistonne pas. L'azawajal, quand tu viendras avec tes actions, jamais, au grand jamais, il ne t'enlèvera une action. Il te dira, je vais t'enlever cette action. Jamais, au grand jamais. Au contraire, il va t'en ajouter. Mais il t'en retranche pas. Mais à condition quoi? À condition que tu sois préparé pour 7 jours, pour ce jour, et que tu viennes avec des actions. C'est pour ça que chaque jour tu le vis en plus, tu dois dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai un jour en plus. En un jour, tu peux faire des milliers, peut-être des millions de hasanat en un jour. Seulement avec le dhikr, seulement, sans donner de l'argent là. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Comme a dit le prophète, il a dit, afdal al-dhikr, la meilleure des invocations, Alhamdulillah. Tu ne peux pas dire Alhamdulillah pendant une heure. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pas une heure, cinq minutes, tu peux pas, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Quand tu marches dans la rue, tes yeux veulent voir le haram, tu les descends, tu as un hajj. Quand tu dis à quelqu'un, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu as 30 hasanah. Subhanallah al-Azim. Quand tu guides quelqu'un, un aveugle, tu as des hasanat. Tu aides quelqu'un pour monter un vieux là, dans sa voiture, tu as des hasanat. Tu enlèves une peau de banane de la rue, tu as des hasanat. Seulement il faut faire ces choses-là avec l'intention que tu le fais pour Allah, pas pour les gens. Quand tu vas acheter, tu rentres dans l'épicerie pour acheter des choses. Fais l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé d'acheter et qu'il y a un hadith qui dit quand tu achètes pour ta famille, mets l'intention d'Allah dans ton cœur, il va te donner des hasanat. Naam. Celui-là, il va acheter un litre de lait pour ses enfants, et le deuxième va acheter un litre de lait, le deuxième a mis dans son cœur qu'il obéit à Allah, il a des ajr. Et l'autre, il n'a pas mis dans son cœur l'intention. Il a dit, j'achète et je dois acheter, là, ça s'arrête là. Et regardez la différence entre ces deux personnes, ils ont acheté la même chose, l'un avec l'intention, l'autre sans intention. Toujours en parler, on revenait à l'intention. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. نعم يعني que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Il parle des kuffars. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. Pourquoi? Pourquoi Allah lui a donné, leur ont donné beaucoup de biens aux kuffars et beaucoup d'enfants et de beaux enfants, etc. Pourquoi? Il a dit, il montre. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Pourquoi? Car Allah ne veut pas, ou là, car Allah ne veut par là, يعني en leur donnant ces choses, il ne veut que les châtier ici-bas et qu'ils rendent l'âme tout en étant mécréant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur donne beaucoup d'argent, etc., c'est pour qu'ils soient toujours occupés avec ces choses. Naam. Allah Azza wa Jalla leur donne beaucoup d'argent parce qu'avec l'argent on fait des péchés. Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Il a dit qu'ils ne croient pas. C'est pas la peine que les kuffars croient que ce que je leur donne de bien, etc., c'est pour leurs beaux yeux. Yes, à peu près le sens. Mais je leur donne pour qu'ils fassent beaucoup plus de péchés. Et le jour du jugement dernier, ils ont un grand châtiment. Sans argent, on ne fait pas de péché. Moi, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la maison, je m'enferme dans la pièce. Et quand j'ai beaucoup d'argent, bah, beaucoup de péchés, beaucoup de projets. Là, je leur donne pour qu'ils soient toujours occupés en train d'amasser de l'argent et des projets, les palais, les piscines et je ne sais pas quoi. Et voilà que l'ange de la mort est venu. Il dit, je ne savais pas qu'il y avait tout cela et maintenant c'est trop tard. Tandis que nous, c'est pas de l'argent qu'il nous donne. L'argent il donne au kafir, il donne à tout le monde. Nous il te donne l'iman. Peut-être même qu'il te donne une maladie pour que tu te réveilles un peu. Il te donne un problème, il te donne un malheur pour te réveiller. C'est pas pour Allah Ta'ala veut te donner. Allah subhanahu wa ta'ala aime le croyant, aime. Il ne lui donne que les choses bien. Mais il lui donne des choses comme ça pour son bien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, tout ce qui arrive au croyant, c'est du bien pour lui. Il te donne une maladie ou là un malheur ou là pour te réveiller, pour te dire, réveille-toi. Peut-être qu'il ne reste pas beaucoup. Peut-être qu'il reste un mois. peut-être une semaine, peut-être demain, un accident. Réveille-toi. Même s'il te reste beaucoup, il te reste 20 ans ou là. Travaille dès maintenant. Commence à te préparer dès maintenant. Demain, c'est quoi? Demain, c'est. Yani, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala inna silatallahi ghaliya, ala inna silatallahi jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a une marchandise. Mais sa marchandise est chère. C'est quoi sa marchandise? C'est le lait. Sa marchandise, c'est le paradis. Il a dit sa marchandise est chère. Donc nous, c'est comme si on achetait une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va l'acheter. Qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter le paradis. On va l'acheter avec quoi? Avec de l'or. On va l'acheter avec la prière. Avec le siyam qu'on fait. Avec le bon comportement. Donc, tout le monde, tous les croyants font de la tijara, font le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Font le commerce. Et Allah Azzawajal a dit, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah ta'ala a dit, est-ce que vous voulez que je vous montre un commerce qui va vous, demain, yani, va vous éloigner du châtiment, etc. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Il a dit, l'iman ou le jihad. Et comme ça. Donc, tout ce que tu fais et que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire la tijara avec lui. Basé où tu as proposé la Jannah. Il t'a dit, voilà, j'ai un paradis à vendre. Et celui-là, il est assez cher, le paradis. C'est pas n'importe qui va le rentrer. Ne le rentreront que les purs. Les purs. Les souillés ne rentreront pas au paradis. Il faut que tu sois pur, que tu te purifies. Ensuite, c'est pour ça que certains vont se purifier d'abord à Jahannam, ensuite ils vont rentrer au paradis, certains musulmans. Mais les vrais purs, comme Abu Bakr, Omar, radiallahu anhu, et les sahabas vont rentrer directement. Ceux-là, les plus purs. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous mettent des purs. Je voulais dire, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, j'ai un paradis à vendre. Je te le vends seulement avec des actions. Tu fais seulement les actions que je veux. Et Inch'Allah ta'ala, quand tu meurs, tu as yani, un pacte avec moi que je vais te rentrer à ce paradis. Maintenant, si toi tu ne veux pas acheter, maintenant toi tu vois la marchandise, tu t'en détournes. Donc, il faut te plaindre demain à toi-même. Lui dit, ça c'est de ma faute. Je n'ai pas voulu acheter. Je voyais la marchandise, je m'en détournais. Bien au contraire, j'ai acheté Jahannam, j'ai acheté l'enfer. Au lieu d'acheter le paradis, j'ai acheté l'enfer. Au lieu de me préparer pour acheter le paradis, j'ai fait tout pour aller en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. J'arrête ici, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yahdiyana wa yu'inana. وأن يوفقنا وأن يثبت قلوبنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا للإسلام وأن يعيننا حتى يرضى عنا ويوفقنا ويفتح لنا أبواب رحمته وأن يهدينا أكثر وأن يعيننا حتى نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se rencontre inshallah dans 10 minutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. استغفر الله وتوب إليه. D'abord, en ce qui concerne ce monde, donc les contrôles. En ce qui concerne les contrôles, vous avez dit que le dernier jour, inshallah ta'ala, c'est lundi. Non, c'est pas lundi, pardon, c'est mardi, demain, parce que mercredi, c'est, Inch'Allah ta'ala, la correction, parce que mercredi, on a fiqh. Mercredi, Inch'Allah ta'ala, c'est la correction. Donc, dernier jour, c'est demain, ou bien, mercredi matin. Mais, mercredi matin, c'est un peu tard. Al-Muhim. Autre chose, en ce qui concerne, le courrier. Concernant le courrier, il y a beaucoup de frères et de sœurs m'écrivent de questions, bien sûr. Et je tarde un peu des fois à répondre parce qu'il y en a tellement. Non. Des fois il se peut que je réponde à une personne le même jour. Il se peut. Des fois j'ouvre comme ça là, pour voir juste ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que la question mérite une réponse très vite, très urgente. Je réponds très vite, surtout si c'est quelque chose de court, si j'écris pas beaucoup. Et des fois ça reste un mois et ça ne suffit pas. Et beaucoup de frères et de sœurs, quand ils me voient la question, ils me disent par exemple Baraklou fait que c'est très urgent. Et eux, ils savent pas aussi, ils savent pas une chose, ils savent pas que tous les autres qui ont écrit avant eux et avant elles ont dit la même chose. on dit barakallahu fik, c'est très urgent. Naam. Quiconque écrit, il dit très urgent, il se met dans sa tête qu'il y a quelqu'un, qu'il y a peut-être 10, peut-être il y a 100, qui avant lui, on dit aussi, c'est très urgent. C'est pour ça que, à partir de la prochaine fois, je vais répondre pour la plupart des questions dans la salle. Je vais répondre dans la salle sans citer de nom. Pour la plupart des questions, je réponds dans la salle sans citer de nom. Comme ça, yani, je gagnerai beaucoup de temps. Et celles et ceux qui ont posé comme condition que par email, je leur répondrai, inshallah ta'ala, par email. Yani, à partir de la prochaine dars, inshallah, je commencerai d'abord par les questions que j'ai dans le courrier. Et à chaque fois, yani, je réponds à mercredi, inshallah. Maintenant, je commence par une question, par deux questions. Quand par exemple une sœur qui m'a dit, j'ai un garçon de 7 ans, et j'ai beaucoup de mal à lui apprendre le Coran et l'arabe. Il mélange toutes les sourates et il oublie tous les mots que je lui apprends en arabe. C'est vrai que j'ai une grande part de responsabilité vu que je ne lui ai pas révisé tous les jours et qu'il ne parle pas l'arabe à la maison. J'aimerais avoir votre point de vue sur cette situation et quel conseil. Naam, faire apprendre à un enfant, surtout l'arabe, à cet âge, c'est quelque chose que l'Allah aime parce que c'est un moyen pour lui faire apprendre le din. Le din, plus qu'on connaît l'arabe, plus on le comprend mieux. Ça ne veut pas dire que l'Allah a envoyé le Coran pour seulement les arabophones. C'est pas cela. Mais puisqu'il a choisi l'arabe, ça veut dire que quiconque excelle en arabe, plus on excelle en arabe, plus on comprend mieux le din. Sinon, tout le monde peut comprendre le din, bien sûr, mais les degrés, ça varie, hein, c'est pas les mêmes degrés. Mais allez, de toute façon, toi, Inch'Allah Ta'ala, tu fais le maximum pour lui apprendre l'arabe. Et la chose la plus essentielle, c'est celle que tu ne fais pas mal, c'est quoi? C'est la révision. Naam. Quand on apprend à quelqu'un une chose, surtout le Coran, on ne le révise pas, il part. Comme c'est dit dans le hadith et dans le Coran aussi. C'est pour ça que l'essentiel, ce n'est pas de lui apprendre beaucoup, mais l'essentiel, c'est qu'il retienne. Même si tu apprends seulement une sourate, tu restes avec la sourate hadith un certain temps jusqu'à ce qu'il la termine. Ensuite, Inch'Allah, tu commences une nouvelle, et avant de commencer la nouvelle, on commence toujours par réviser l'ancien. De toute façon, le fait qu'il mélange, etc., c'est normal. C'est normal, c'est nouveau pour lui, il est jeune. Mais Inch'Allah Ta'ala, après, il aura la capacité de pouvoir différencier, ne pas mélanger, surtout avec les révisions. Mais Inna Subhanahu wa Ta'ala, continue Inch'Allah Ta'ala, tu es dans le vrai chemin. Demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il t'aide et qu'il l'aide et qu'il fasse de lui de ceux qui apprennent le Coran et le comprennent comme l'ont compris les prédécesseurs, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne la sœur qui m'avait dit que pendant l'Aïd, est-ce qu'ils pouvaient se rencontrer sœurs entre elles et ils font venir à chacun leurs enfants, ils leur achètent des gâteaux, des bonbons, etc. pour le faire plaisir, etc. Ensuite, ils se rencontrent à table, des sœurs entre elles pour manger, etc. Bien sûr, Cheikh Al-Albani, comme c'est elle-même qui l'a dit, c'est elle-même qui m'a envoyé la fatwa, Cheikh Al-Albani, dit que le jour de l'Aïd n'est pas fait, comme il n'est pas fait pour aller aux tombes, c'est une bid'a d'aller aux tombes le jour de l'Aïd, il a dit, il n'est pas fait aussi spécialement pour aller rendre visite aux gens. Il a dit, car ceux qui font cela, ce sont la plupart des gens, ce sont des gens qui, tout au long de l'année, ne rendent pas visite à leurs parents, etc. Alors ils profitent, ils disent, donc on va y aller le jour de l'Aïd. Ça veut dire tous les autres jours, ils n'y vont pas. Okay? Ils connaissent seulement l'Aïd pour aller voir leurs parents, yani Sayyidat al-Rahim. Sayyidat al-Rahim, c'est seulement l'Aïd. Mais tout au long de l'année, jamais ils cherchent à aller chez son oncle, ou là chez sa tante, ou là il lui téléphone, ou là il va chez son père. Toute l'année, il n'y va pas. Il est seulement le jour de l'Aïd. En ce sens, Cheikh Al-Albani a dit, comme c'est bid'a d'aller aux morts, c'est bid'a d'aller aux vivants, surtout ceux qui ont cette idée. Mais moi je voudrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, que si quelqu'un yani va aux gens, mais pas avec l'idée de l'adoration. S'il sait que c'est une occasion, c'est tout, il sait que ce jour-là tout le monde est libre, ce jour-là yani d'habitude ils attendent que les gens viennent les voir, etc. Et surtout ceux qui savent que si tu ne vas pas chez lui, yani par exemple je connais des habitudes chez des gens, si par exemple le père s'il voit pas son fils venir le voir le jour de l'Aïd, s'il habite seul bien sûr, celui-là peut-être il ne va plus parler avec son fils. Il y a aussi des mères comme ça. Là, ils ont pris l'habitude depuis yani la jeunesse, tu vas pas voir ton père le jour de l'Aïd, peut-être il va se désengager de toi. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Inch'Allah, en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ce n'est pas interdit. Parce que je ne vais pas, à cause d'une adoration, je ne dis pas c'est Allah qui m'a dit d'aller l'Aïd, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une occasion, je profite pour se rencontrer, et pour voir yani mes parents, etc. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit, je vous lis ce qu'il a dit en arabe, il a dit يفعل في هذا العيد ايضا on peut faire le jour de l'Aïd aussi ان الناس يتبادلون الهدايا, que les gens s'entredonnent des cadeaux, يتبادلون الهدايا, il a dit يعني يصنعون الطعام ويدعون بعضهم بعضا, il a dit et ils font de manger, ils cuisinent et se préparent à manger et ils s'entre-invitent. Yani, ces personnes invitent ceux-là et les autres invitent les autres, comme ça, ils se font des invitations, il a dit, pour manger et pour des cadeaux. Et ils se rencontrent et ils se groupent et yafrahoun. Yani, ils se mettent à l'aise. Et c'est une habitude qui, yani, ça se fait, yani, la ba'as biha, ce n'est pas yani, haram. Et annaha ayyamu eid, parce que c'est un jour de l'Aïd, ce sont des jours de l'Aïd. Hatta inna Abu Bakr, d'ailleurs Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lamma dakhala ala bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa 'indahu jariyatan tughanniyan fi ayyam al-'id, intaharahuma, fa qala sallallahu alayhi wa sallam da'huma. Il a dit, lorsque Abu Bakr est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé deux petites filles en train de chanter, quand je dis chanter, sans la guitare, ni la guitare ni le piano, avec seulement yani leur bouche comme ça, yani chantonner. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Il leur a dit, yani, taisez-vous. Il a voulu les faire taire. Le prophète Aslam a dit, da'houma, laisse-les. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, le prophète Aslam a dit, laisse-les. Innahuma jariyatan. Ce sont, yani, des petites filles. Il a dit, da'houma, fa'inna ayam eid. Laisse-les. Nous sommes à l'Aïd. C'est un jour de l'Aïd. Il a dit, wa fi hada dalil, ala anna ash-shara, wa lillahi alhamd. من تيسيره وتسهيله على العباد من فتح لهم شيئا من الفرح والسرور في ايام العيد il a dit donc notre religion alhamdulillah yani par sa simplicité, sa facilité a ouvert aux gens les jours de l'Aïd yani pour ceux yani le farah, pour les choses qui font de la joie et les choses qui font le sourire, etc. C'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yahmou. J'ajouterai que bien sûr on fait des choses, il faut que ça soit toujours, il faut que ça reste toujours dans le contexte du halal. Si on se rencontre, c'est pas on se rencontre parce qu'on va faire de la musique ou là on va danser ou là, sinon seulement on se rencontre dans le halal pour discuter, pour rire, pour plaisanter, pour demander des nouvelles, pour manger, pour boire. Inch'Allah, en ce sens, ce n'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala alam, qui choisit la vie de Ibn Uthaymeen sur la vie de Cheikh Albani, Allah yarhamou. Inch'Allah, prochain soual, tfadlou, inch'Allah, barakallahu fikoum. Est-ce qu'il est haram de tuer des insectes? Tout animal ou l'insecte, la chose vivante qui fait mal, il est licite et permis de la tuer. Tout animal qui fait mal et nous fait mal, il est possible de le tuer. Quand il fait mal, bien sûr, il est possible. Sauf les animaux là qui yani, font toujours mal. Toujours. Par exemple, on rencontre un crocodile. Non, un crocodile, on marche dans la ville, on trouve un crocodile. Un crocodile, on doit le tuer. Parce qu'il va faire mal. Il va mordre beaucoup de gens, il va les tuer. Maintenant, même un animal qui par nature ne fait pas mal, mais s'il fait mal, on le tue. Est-ce que la tortue, elle fait mal? La tortue, elle fait pas mal. Skina, elle est là, elle ne fait rien. Mais certaines tortues ont, comme il y en a dans beaucoup de pays, je crois que ça s'est passé aussi en Algérie, certaines tortues, par exemple une femme dormait, elle était en train d'allaiter un bébé, la tortue qu'elle avait dans la maison est venue doucement, je ne sais pas pourquoi, l'enfant avait dormi le bébé, elle a sauté sur le sein de la femme qui a allaité, elle l'a mordu, et elle n'a plus voulu enlever sa bouche, elle n'a plus voulu ouvrir sa bouche. Bien sûr, on a pris la femme à l'hôpital, on a été obligé de tuer la tortue pour délivrer la femme. Donc cette tortue, on l'a tuée pas parce qu'elle a fait, du mal. Pourtant, de nature, la fourmi, la tortue ne fait pas de mal. Maintenant, le chat ne fait pas mal, c'est interdit de le tuer. Mais si maintenant le chat veut étrangler mon bébé, je suis obligé de le tuer si je n'ai pas d'autre solution. Et comme ça, toutes les choses qui font mal, on doit les tuer, et on peut les tuer. Toutes les choses qui font mal, on peut les tuer. Et il y a une règle qui dit, toute chose que l'islam a dit de tuer ou a dit de ne pas tuer, c'est interdit de manger. Subhanallah, regardez cette règle. Tout animal, ou l'insecte, ou là, toute chose vivante que l'islam t'a dit il faut tuer, ou là, c'est interdit de tuer, tout cela, il est interdit de le manger. Naam. Prenons des exemples. Qu'est-ce qui est interdit de tuer? Il est interdit de tuer la grenouille. La grenouille, on ne peut pas la manger. Qu'est-ce qu'il est aussi interdit de tuer? Vous savez, il y a 5 ou 6 choses qu'il est interdit de tuer, et il y a 5 ou 6 animaux qu'il faut tuer. Si on commence par les choses qu'il est interdit de tuer, on ne peut pas, il est interdit de tuer la fourmi. Il est interdit de tuer la fourmi. C'est un hadith sahih. Il est interdit de tuer la fourmi. Pourtant, la fourmi ne se mange pas. Il y a un oiseau qui s'appelle Sword. Il est interdit de le tuer. Et pourtant, cet oiseau aussi ne se mange pas. Ensuite, les choses qu'on doit tuer. On doit tuer, par exemple, la souris. La souris ne se mange pas. On doit tuer le scorpion. Le scorpion ne se mange pas. On doit tuer le serpent. Le serpent ne se mange pas. Et comme ça, c'est une règle. Chaque chose qu'on doit tuer, que l'islam a dit, il faut tuer. Ou a dit, il ne faut pas tuer, ça ne se mange pas. Le cafard ne rentre pas dans le hadith. Mais le cafard, on le tue parce que il est nuisant. Naam, tout ce qui est nuisant, on peut le tuer, inshallah ta'ala. Fadl, le prochain sourate. Naam, quand une femme se remarie, elle se retrouve avec un deuxième. Quand une femme en islam se remarie, elle se trouve avec un deuxième. L'islam n'a pas interdit à une femme de se marier quand son mari se meurt, mais elle se trouve avec le deuxième et pas avec le premier. Regardez, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, je vais la dire. Il y avait une femme, elle aimait beaucoup ses enfants, Allah yarhamha, je la connais très bien, elle aimait beaucoup ses enfants, et Allah yarhamha, elle a été atteinte d'une maladie grave. Ensuite, elle est morte. Quand elle est morte, tellement elle aimait yani ses enfants, etc. Bon, avant de passer à cela, cette femme avait une cousine. Une cousine, mariée bien sûr. La cousine a fait un accident avec son mari. Son mari est mort. Le mari de la cousine, cette femme, est mort. Alors, cette femme, la deuxième, dont le mari est mort, certains gens de la famille ont allé la voir. Et ils lui ont dit, la femme X, qui est sa cousine à elle, ta cousine, avant de mourir, la Irhamah, nous avait dit que, demandez à elle, yani à toi, si tu veux, tu acceptes de te marier avec yani, son mari, à cause des enfants, etc. Il n'y a pas mieux que toi, elle te connaît très bien, etc. Qu'a répondu sa cousine? Elle lui a dit, Wallah, son mari, le mari dont vous me parlez, je ne lui trouve aucun défaut, masha'Allah. Et les enfants de ma cousine sont masha'Allah. mais je voudrais me marier avec mon mari au paradis. Je voudrais pas me marier avec celui-là que dont vous me présentez, car je voudrais me marier avec mon mari au paradis. Tellement elle aimait son mari, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc une femme, tellement elle aime son mari, elle préfère ne pas se marier ici pour être avec lui le jour du jugement dernier. Car si elle se marie, elle doit être avec le dernier avec lequel elle s'est mariée. Prochaine question, inchallah. Tafadhal. Comment jeûner Dhul Hijjah? Pouvons-nous prier en cachette à notre travail? Est-ce une forme de shirk? Et vous avez dit que le Coran soit les maladies cardiaques. La hawla wa la quwwata illa billah. En ce qui concerne Dhul Hijjah, chauffe Barakallahu fikoum, pour que le travail soit bien et clair. Quand je parle comme ça, ne posez pas de questions. Jusqu'à ce que je termine, je vous dis posez. Comme ça, pour que je reste concentré avec la question que je suis en train de voir, c'est tout. Mais préparez l'autre question et préparez-vous à cliquer quand je vous dis poser la question. Je reviens jeudi. Dhul Hijjah, il n'y a pas un hadith spécial qui dit qu'on doit sommer Dhul Hijjah. Car beaucoup de gens disent qu'on doit sommer des 10, on doit jeûner. On doit jêner les 10 jours à Dhul Hijjah. Ce qu'il y a dans le hadith, c'est quand tu jeûnes le 9e jour, c'est-à-dire quand tu jeûnes Arafat, pour celui qui n'est pas au Hajj. Nous, quand on jeûne Arafat, masha'Allah, il enlève deux années de péché. Mais comme c'est un hadith qui dit tu dois jeûner les 10 jours, il n'y a pas. Seulement les ulama ont dit, puisque le prophète sallam a dit, Allah Azza wa Jal aime beaucoup les bonnes actions dans ces 10 jours, il a dit donc parmi les bonnes actions, il y a le jeûne, on va jeûner. Mais il n'y a pas un hadith qui dit comme ça que tu dois jeûner les 10 jours. Ça c'est en ce qui concerne les 10 jours de Dhul Hijjah. Deuxièmement, en ce qui concerne le Coran, en ce qui concerne, on prie en cachette à notre travail. Est-ce du shirk? Wallah, prier en cachette, yani c'est pas du shirk, mais j'ai peur que ça rentre dans le shirk quand on ne prie pas à cause du travail. Voilà. Quand on prie en cachette, je me dis que ceux-là sont dans Mecca. Lorsque le prophète Islam était à Mecca, il avait peur, il faisait la prière en cachette, fidal arqam. Je me dis peut-être comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais celui qui maintenant ne va pas faire la prière à cause qu'il a peur du patron, là la femme ne fait pas la prière, elle a peur de la patronne, et à cause de ça elle ne fait pas la prière, celle-là j'ai bien peur qu'il ou laquelle rentre dans le shirk. Parce que moi le travail, où on me dit tu ne fais pas la prière, je leur dis salamu alaikum, votre travail, merci, je n'en ai pas besoin. Allah subhanahu wa ta'ala yirzuqani. Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'ouvrir des portes. Moi, le travail, tu me dis, il n'y a pas de prière, celui-là, pour moi, ce n'est pas un travail. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Subhanallah al-Azim. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Dis à ta famille ou là de faire la salat, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et, patiente, etc., pour la faire, fais-la en tout temps, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit directement? La nas'aluka rizqan. On ne te demande pas le travail. Yani les biens, etc. Nahnu narzuquk. C'est nous qui te donnons les biens. Ça veut dire, ne me dis pas que, à cause des biens, je peux pas travailler et je peux pas faire la prière. À cause du travail, je peux pas faire la prière. Regardez le verset que je viens de dire et lisez Tafsir Ibn Kathir. Lisez Tafsir Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, c'est pas à cause du travail que tu vas pas faire la prière. C'est-à-dire, fais la prière et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le travail, va te donner les biens et va t'ouvrir les portes. Donc, je dis que si quelqu'un à cause du travail va pas faire la prière, ça c'est quelqu'un de grave. Ensuite, l'autre raison, l'autre excuse qui n'est pas valable, la plus grande excuse qui n'est pas valable, c'est quoi? C'est que le jour du monde dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, est-ce que les gens t'ont enchaîné pour rester dans le pays où on ne te laisse pas faire la salat? Pourquoi? Ne savais-tu pas que ma terre était vaste? Je ne savais pas que ma terre était vaste. Tu pourquoi tu es resté dans un pays où tu ne peux pas faire la salat? Pourquoi tu n'es pas allé dans un autre pays et vendre des cacahuètes? Tu vas vendre des pois chiches et tu vis là-bas, mashallah, et tu fais la prière et tu vas à la mosquée et tu te sens mashallah. Qu'est-ce qui t'a dit de rester dans un pays où il n'y a pas la salat et où il est interdit de faire la salat? Est-ce qu'on t'a enchaîné? Si on t'a enchaîné, tu as un adab, tu as des excuses. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. J'avais dit que le Coran guérit les maladies cardiaques. Je disais les maladies, yani d'hypocrisie, les maladies de jalousie, les maladies d'envie, al-hasad, les maladies de, yani, on n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aime pas son prophète. Et ce genre de maladies que le Coran guérit. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم تفضل إن شاء الله بخوش نسؤال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je voudrais des précisions. Iblis est-il un ange ou un djinn? بارك الله فيك. On avait dit que Iblis était un djinn et que jamais au grand jamais il n'a été un ange. Une seconde dans sa vie il n'a pas été un ange, une seconde, car Allah Ta'ala a dit dans le Coran إلا إبليس فكان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Il a dit ففسق, c'est un pervers. Alors les anges ne sont pas des pervers. Il a dit فسق, il n'a pas obéi, alors que les anges obéissent, hein? لا يعصون الله ما أمرهم. Jamais ils ne désobéissent Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. J'avais dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du shaitan, il a dit أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Allah ta'ala a dit vous prenez le shaitan et ses enfants comme alliés à ma place, au lieu de me prendre moi comme allié, vous prenez le shaitan et ses enfants. Et vous savez que les anges n'ont pas d'enfants, car les anges ne se marient pas, mais les shaitans se marient et ont des enfants. Donc le shaitan, Iblis, n'a jamais été une seconde un ange. Mais, là je dis quelque chose, mais il faisait tellement d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et tellement de bonnes actions que Allah subhanahu wa ta'ala l'a gradé de sorte à ce qu'il se trouvait tout le temps avec les anges. Il était tout le temps avec eux, tout le temps, du matin au soir. Pourquoi? Parce qu'il était dans le rang des adorations. Alors quand il était au milieu d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a demandé aux anges de qui? De faire le sujoud à qui? À Adam. Et entre autres, il a demandé aussi à tout le monde, yani à tous ceux qui étaient là. Iblis n'a pas accepté. Pourquoi? Il était avec les anges et il devait lui aussi faire le sujoud. Il n'a pas voulu le faire. Donc il se trouvait entre eux, mais il n'était pas des leurs avec les délits que je viens de dire, inshallah ta'ala. Fadlan sur la prochaine sourate. Comme salam, pouvez-vous nous conseiller un petit programme de talbin pour frères vivant en France? Wallahi, les frères qui vivent en France, wallah, sincèrement, je ne connais pas leur niveau, et leur niveau yani, n'est pas le même. Certains ne savent pas lire un mot en arabe. Certains me disent tu écris n'importe quel mot, je ne peux pas le lire en arabe. Et certains, mashallah, lisent en arabe et ils connaissent même le nahw. Ils connaissent le fa'al, mf'ul bihi, mf'ul. Certains, yani, mashallah. C'est pour ça que je ne sais pas exactement, celui qui m'a posé la question, quel est son niveau. Je ne sais pas quel est son niveau. Je ne sais même pas si je dois lui conseiller qu'il lise en arabe ou qu'il lise en français. Je ne sais même pas. Mais je voudrais dire qu'en général, il doit choisir les livres qui sont, yani, séra. Il ne lit pas n'importe quel livre. Parce qu'il va commencer par un livre avec lequel il devait finir, en arabe. Non, il faut qu'il commence par les livres les plus simples, comme l'Usul Thalatha fil Aqida. L'Usul Thalatha fil Aqida. Comme le fiqh, il commence par le fiqh. L'Ouadis, par exemple, l'Ouadis fil fiqh. Yani, des choses les plus simples. Et à chaque fois qu'il termine un livre, il va à un livre plus complexé. Et chaque chose qu'il lit, il la lit avec son délire. Il cherche les livres où il y a le délit, quand on dit une chose, on dit par, car Allah Ta'ala a dit, car son prophète A.S. a dit. Il ne lit pas le livre des moutons, le livre où il y a, c'est comme du chier, c'est comme de la poésie. Il lit les livres où il y a le délit. Ceci est haram car Allah a dit ceci. Ceci est makruh car le prophète A.S. a dit ceci. Il commence en arabe par l'aqidah, l'aqidah al-usul thalatha. Il commence par exemple par le fiqh, le wajiz fil fiqh par exemple. Ou sahih al-fiqh sunnah. Sahih fiqh sunnah. C'est pas fiqh sunnah ta'asiyyid sabah. C'est l'autre. Il y a un nouveau livre qui s'appelle sahih fiqh sunnah. Ou quelque chose comme ça. والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليك أمين peut-on manger escargot de terre appelé boubouche au Maroc et je tiens à vous remercier personnellement et remercier Allah سبحانه وتعالى de nous avoir mis un nom أمين يا رب العالمين les escargots de terre. Pour être plus sûr, il faut d'abord, il faut d'abord que je comprenne c'est quoi les escargots de terre. Est-ce que ce sont les escargots que qu'on trouve lorsqu'il y a la pluie? Il y a beaucoup en Algérie, il y a beaucoup au Maroc, mais il n'y a pas en Arabie Saoudite et il n'y a pas ici au Koweït. Ce sont les escargots que tous on connaît en Algérie, qui sortent seulement lorsqu'il y a la pluie. Lorsqu'il y a la pluie, on les trouve. Ils ont deux petites antennes sur la tête, deux petites antennes. On les trouve en train de monter comme ça sur les arbres et les herbes, etc. Est-ce que ce sont ceux-là les escargots ou là c'est pas ceux-là? Abou Talib, tu dis ceux-là, on t'a dit que c'est ceux-là parce que peut-être c'est autre chose qui sort de la terre. Naam. Les escargots, naam, j'ai demandé, jazakallahu khair, naam, j'ai dit peut-être que la sœur elle est du Maroc, peut-être on n'a pas la même chose. Les escargots, inshallah ta'ala, les ulama ont diversé, yani, certains ont dit oui, certains ont dit non. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit oui, c'est comme la fatwa da'ima. Elle a dit, En règle générale, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé est halal, sauf avec un délil que c'est haram. Toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé c'est halal, sauf avec un délil qui dit non. Donc Madhhab Malik, ils se sont basés sur Madhhab Malik l'arhmou. Imam Malik a dit ça se mange, il a dit on peut manger des escargots, et les ulama quand ils ont expliqué ce qu'a dit Malik alayhi rahmatullah, ils ont dit à condition de ne pas leur faire mal. Ils ont dit à condition, si on veut manger des escargots, on doit bien bouillir la marmite avant de les mettre à l'intérieur. Parce que beaucoup de gens se trompent, ils mettent les escargots dans la marmite et ils allument le feu. Ensuite, les escargots, qu'est-ce qu'ils font? Yani, c'est un châtiment, azab. Yani, tellement c'est chaud, ils commencent à brûler, ils essaient de sortir, c'est haram. Pourquoi? Tu leur fais mal. La darar ou la dirar. Mais si tu veux inchallah les manger sans que ce soit haram, tu dois bouillir d'abord la marmite. Quand l'eau commence à bouillir, tu laisses encore, c'est vraiment chaud, tu les jettes à l'intérieur, ils vont mourir juste le temps qu'ils touchent l'eau, ils vont mourir. Dans ce cas inchallah ta'ala, c'est halal inchallah ta'ala avec cette fatwa. Et j'ai dit, il y a bien sûr, il y a d'autres qui ont dit comme Ibn Hazm la yahmour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can't shout? Il va revenir, Cheikh, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je disais, je résume très vite. Pour les escargots, il y a deux avis. L'avis qui a dit on les mange, l'avis d'Imam Malik Lahmo. Et cet avis dit que on ne doit pas les manger que si on chauffe bien la marmite avant de les jeter. Il faut laisser bouillir, ensuite on les jette et bi'idna azza wa jal on mange. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain soual, inshallah. Assalamu quels sont les prêcheurs que nous pouvons écouter en Turquie? Car je réside en Turquie, y a-t-il des personnes de science et qui dans ce pays? Barakallahu fikum. Masha'Allah, على أخونا ولا على أختنا هذه من تركيا. والله franchement je ne connais personne en Turquie. Quand je dis je connais personne, ça ne veut pas personne, yani salafi bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Là, astaghfirullah. Ça veut dire que moi qui suis en train de te parler ne connais pas. Mais il doit sûrement y avoir al-Betlehem. Il y en a partout. Quoi qu'en Turquie, c'est un peu difficile à trouver. Mais doit y en avoir. Mais je dois chercher, inshallah, je dois demander aux gens quels sont les talabat ilm et quelles sont les personnes de science salafi en Turquie, car je ne connais pas personnellement. Inshallah ta'ala, je demanderai, je te rendrai inshallah ta'ala la réponse. Inshallah ta'ala. Prochain soual, inshallah. Une sœur dit, est-ce que l'on est responsable au jour du jugement si une personne nous en veut pour quelque chose mais on ne sait pas ce qu'elle nous reproche? Quand on va la voir pour lui demander, elle nous dit que non, elle n'a rien contre nous, mais son comportement, on sent qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire elle ne prend plus de nouvelles, etc. Est-ce qu'on est responsable? Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre une personne et moi, et ensuite que je demande à cette personne de me dire qu'est-ce qui ne va pas pour que je me corrige, et si j'ai fait une faute, je demande pardon, et cette personne me dit non, il n'y a rien, Inch'Allah ta'ala, je n'ai rien demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas responsable, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et je ne suis pas responsable d'ouvrir les cœurs des gens pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ce que je dois faire, c'est au moins de demander qu'est-ce qu'il y a, et même si je ne sais pas ce qu'il y a, et j'ai senti que cette personne a changé, ma'alish, je lui dis excuse-moi. Voilà, je suis venu te voir, je te dis, s'il y a quelque chose, et même si tu veux pas me dire oula, je me suis trompé oula, excuse-moi, barakallahu fik, et si tu veux, dis-moi, yani, je t'explique et je me rattrape, si tu veux pas, excuse-moi, s'il y a quelque chose, et c'est tout. Maintenant, si elle ne veut pas dire oula, elle est libre. Moi, j'ai fait envers Allah subhanahu wa ta'ala ce que je dois faire. Naam. Inch'Allah ta'ala, yom al-qiyama, tu n'as rien. Ma'ala al-muhsinina min sabil. Tu as fait le maximum de ce qu'il fallait faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain soual, inch'Allah. Barakallahu fi, celui qui a écrit Agda en violet, had numéro, had anachar numéro 6 ou la 4 ou la. Est-ce que maintenant, si je donne 100 euros en France, à Mohamed par exemple, est-ce que maintenant, si je donne 100 euros en France, à Mohamed par exemple, et que Mohamed va donner 1000 dinars, le 10 000 dinars à mon frère en Algérie, je suis tombé dans la riba, dans ce change d'argent. Vous avez dit que nous pouvons rompre le contrat de mariage si la personne nous a craché un défaut. Une sœur, si elle ment sur sa virginité, je me rends compte qu'elle n'est plus vierge. Pour la première question, quand on donne à quelqu'un de l'argent en France, par exemple, je lui donne 100 euros et je lui dis, tu donnes à mon frère là-bas en Algérie 1000 ou la 10 000 ou la 100 000. Ça s'appelle la riba. Ça s'appelle la riba, et ça c'est haram, et ça c'est un grand péché. Et ça, c'est un grand péché. Naam. Quand tu donnes à quelqu'un dans un pays, et tu dis, ton frère ou là-bas, il prendra telle somme d'argent. Ça, c'est la riba. Ça, c'est interdit. Naam. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu as fait sarf. Yani, laysa yadan biyad. Soit tu donnes ici, l'autre, il prend là-bas. Ça, c'est interdit en islam. Naam. Celui qui a fait ça, il dit astaghfirullah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Il dit astaghfirullah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Vous avez dit que nous pouvons, si la personne nous a caché, il y a des défauts avec lesquels on peut rompre le mariage, il y a des défauts qu'on ne peut pas rompre. Comme a dit Ibn al-Qayyim, kullu aibin yunaffiru ahad zawjain min akhar. Ça, جائز به الفراق وهو أولى من البيع. Quand tu achètes quelque chose, je vais chez quelqu'un, j'achète quelque chose. Quand je la prends à la maison, je trouve que cette chose était pourrie, ou là cette chose était elle fonctionne pas, ou là je la lui rends, ça c'est une baie, c'est un baie, c'est seulement une vente. Maintenant le couple c'est pire que la vente. Bon, maintenant un homme, le prétendant ment à la femme, si la femme trouve chez lui un défaut que en général il n'est pas accepté, elle a le droit d'annuler le mariage et elle a la moitié de la dot. Elle a la moitié de la dot s'ils n'ont pas encore consommé le mariage. S'ils ont consommé, elle prend tout l'achat. Pourquoi? Parce que le défaut est venu de lui. Et lui, la même chose, quand il rentre chez la femme, il trouve chez elle un défaut, il ne lui donne rien de la dot. S'il n'a pas consommé le mariage, il ne lui donne rien de la dot. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le défaut chez elle et elle devait lui dire ce défaut, lui montrer. Donc il y a les défauts avec lesquels on peut rompre, il y a les défauts avec lesquels on ne peut pas rompre. Et les défauts avec lesquels on peut rompre, c'est le défaut quand il trouve par exemple la femme, il la trouve pas vierge, ou là il trouve par exemple c'est impossible de faire le rapport avec elle, par exemple elle est malade de ce côté, ou là il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut rompre, ou là il la trouve par exemple mentalement, elle est malade, elle est un peu folle, et comme ça. C'est pour, comment on voyait, c'est pour ça que les ulama ont montré j'avais dit hier, Cheikh Ibn Othaymin Rahmou a dit, même si parmi les défauts qui annulent aussi, quand quelqu'un trouve chez la femme ou là elle trouve chez lui ce qu'on appelle le bars, la peau a dit les taches blanches de la peau, si c'est juste un peu pas très visible, malaise. Mais c'est par exemple son corps, il est plein, c'est pas le lèpre, non. J'ai dit hier, la lèpre, c'est la chair qui tombe. Il a dit, c'est des plaques blanches. L'Ort Salafi avait écrit hier, le mot, je l'ai oublié, démangeaison, d'amener. Chez l'homme, là, chez la femme, ils ont dit aussi, ça, c'est un défaut. C'est pour ça que Cheikh Ibn Othaymin a dit, dépigmentation de la peau. C'est pour ça que Cheikh Ibn Othaymin a dit, il a dit, la Yahmo, si le prétendant, quand il va voir la femme, et il voit qu'elle a par exemple la dépigmentation dans ses doigts, car il ne doit voir de la femme que son visage et ses deux mains. Il a vu qu'elle avait de la dépigmentation sur les mains et il n'a pas demandé. Normalement il demande ou bien à la femme ou bien au tuteur. Je viens de voir des traces de dépigmentation dans sa main. Est-ce qu'elle a dans tout le corps ou là seulement dans la main? S'il ne demande pas et il rentre, il consomme le mariage, il trouve qu'elle a dans tout le corps, il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit d'annuler. Pourquoi? Parce que quand il a vu un peu, il devait demander plus. Tu as vu un peu, tu as vu la trace. Donc demande s'il y a plus. Pourquoi tu n'as pas demandé? Maintenant, c'est trop tard, car tu as consommé le mariage. Donc, c'est pour ça qu'une femme qui n'est pas vierge, elle doit le dire. C'est impossible qu'elle cache une chose comme celle-là. Il y a des gens qui acceptent qu'elle soit pas vierge. Il y a des gens qui acceptent quand elle leur dit, dis-moi, je m'en fous, moi, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que tu sois une sœur maintenant. Je sais quand tu as fait cette chose, tu l'as pas faite maintenant. Tu l'as faite en temps de péché, en temps d'égarement. Mais maintenant, alhamdoulilah, tu es masha'Allah, tu as fait le repentir, je t'accepte et peut-être tu es mille fois mieux, peut-être qu'une autre qui n'est pas vierge. Question de comportement, etc. Donc c'est pas, il faut pas se baser seulement sur cette chose. C'est pas cette chose la plus importante. La plus importante, c'est est-ce qu'elle a maintenant le dîn ou elle n'a pas. Est-ce qu'elle a, il faut pas faire se baser seulement sur le passé qui est passé. Le passé qui est passé, là. Et comme la fille ou la femme a fait cela, elle a fait avec qui? Elle a fait avec un homme. Et l'homme, c'est la même chose maintenant, elle aussi. Elle va lui dire, je ne me marie pas parce que toi, autrefois, tu as fait des choses. Toi aussi, tu n'es pas vierge. Toi aussi, tu as fait beaucoup de choses. Donc toi, j'accepte pas. Il faut que tu sois, toi, vierge. Il faut que tu aies jamais touché une femme. J'accepte de toi. Donc, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le repentir et la touba et la sincérité avec Allah. C'est ça le plus essentiel. Tu peux te marier avec une femme qui est vierge, qui va te faire mille problèmes. Et avec quelqu'un qui n'est pas vierge, mais qui est mashallah. C'est pas seulement la virginité. Il faut se baser sur la sincérité et la tauba. Est-ce qu'elle a fait la tauba ou elle l'a pas faite? Est-ce qu'elle est sincère dans sa, dans son repentir ou elle n'est pas sincère? Voilà le plus important. Mais si en même temps elle a les deux, inchallah ta'ala, c'est mieux. Comment on voyait des dinars en Algérie sont tombés dans la riba? Comment on voyait des dinars en Algérie sont tombés dans la riba? Comment on voyait des dinars? Tu vas à la banque ou là je ne sais pas où, et tu leur donnes des dollars, ils te donnent des dinars, tu les envoies en Algérie. Tu vas chez lui qui sarraf, tu lui donnes l'euro, il te donne dinars, et tu les envoies en Algérie. Ou bien, tu envoies directement en Algérie l'euro. Tu envoies en Algérie l'euro avec quelqu'un. Et lui là-bas, il sarraf, et on lui donne des dinars. Voilà, c'est très simple, inshallah ta'ala. Prochaine question, inshallah. Il y a beaucoup de frais et de pertes. Moi, quand il y a beaucoup de frais et de pertes, et que je ne vais pas à Jahannam, c'est alhamdoulilah. Moi, je vois d'abord, est-ce que je vais aller à Jahannam ou je ne vais pas y aller. Maintenant, si tu veux gagner beaucoup d'argent, ne pas avoir de frais et de pertes, et aller à Jahannam, c'est simple. Mais si tu veux perdre un peu d'argent et gagner, que Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi, et demain, inshallah, tu vas aller en enfer, au paradis, je t'ai montré le chemin. Naam, je sais que c'est pas toi, Abu al-Aziz. Je sais, je suis en train de parler à celui qui a posé la question. Une sœur demande, salam alaikum, j'ai pas pu suivre le cours, j'aimerais que vous me répétiez, c'est quoi les quatre groupes de personnes qui ne sont pas maudits? Et celui qui apprend ici, hein, et savoir quand est-ce qu'il faut commencer à jeûner pour Arafat, vendredi, jeûner, et savoir quand est-ce qu'il faut commencer à... Quelles sont les quatre personnes qui ne sont pas maudites? Est-ce que j'ai dit ça aujourd'hui ou là la fois passée? Aujourd'hui, quand j'ai dit que les choses qui ne sont pas maudites, j'ai dit illa zikrallah, tout ce qui a rapport avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, zikrallah subhanahu wa ta'ala wa mawada, et tout ce qui a trait avec zikrallah, yani les gens qui font les adorations, les gens qui invoquent beaucoup Allah, les gens qui font la prière, yani les gens qui yani essayent de faire yani au maximum ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ensuite il a dit le troisième, le quatrième, il a dit alim, un homme de science, ou bien celui qui veut apprendre, muta'allim. Celui qui veut apprendre, c'est comme l'homme de science. D'ailleurs, s'il n'y avait pas celui qui voulait apprendre, l'homme de science ne pourrait rien faire. À qui il va apprendre? Il va faire des doros à qui? Aux chats, aux oiseaux, aux souris. À qui il va faire des doros? Mais quand il y a ceux qui veulent apprendre, donc ce sont eux qui aident, yani, d'un certain sens, ils aident l'homme de science. Donc ceux qui veulent apprendre, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les aime parce que ils veulent apprendre quelque chose que lui aime. C'est quelque chose de lui, de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose yani, d'un homme ou là, d'un groupe ou là, une idéologie de quelqu'un, d'un savant ou là. Là, c'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin qui te montre comment connaître Allah, comment l'aimer et comment s'éloigner de son enfer, comment rentrer au paradis. C'est pour ça que quiconque reste comme ça, en train d'apprendre, il y a les anges qui descendent et qui sont en train de le couvrir, tant qu'il est en train d'apprendre. Et que chaque personne qui se dit « je vais commencer à apprendre », comme c'est dans le hadith sahih, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre un chemin vers le paradis. Un chemin déjà, il est tracé, et il n'attend que cette personne qui meurt pour aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a voulu connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu apprendre, qui s'est sacrifié, ben c'est pas facile d'apprendre. Déjà le fait, chauffe le fait que tu sois dans un endroit où tu apprends, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé. C'est pas n'importe qui peut apprendre. C'est pas n'importe qui. Même s'il peut, yani même s'il veut, des fois il peut pas. C'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala yatafaddal alayh wa yishrahu lahu sadrah, il lui ouvre son cœur et il l'aide pour que après il puisse apprendre. Naam, il y a d'autres maintenant, toi tu es en train d'apprendre, lui il est en train de voir des choses des choses, yani oser des choses haram à la télévision. Non, toi tu es en train d'écouter ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'a dit son prophète. Lui, il est en train d'écouter des choses de grand, grand haram. Des choses, yani, qui rendent Allah subhanahu wa ta'ala courroucé. Fais la différence entre celui qui est en train de voir des choses comme ça, de haram, et toi qui es en train d'écouter ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une différence? C'est comme la différence entre le vivant et le mort. L'autre, il est mort, et toi, tu es vivant. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, أن يهدينا وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يبارك لنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. En ce qui concerne le jeûne, en ce qui concerne le jeûne pour Arafat, qui est vendredi ou samedi, franchement je ne sais pas. Franchement je n'ai pas encore cherché à savoir. Allah, il faut que je cherche dans le calendrier ça. Je ne suis pas pressé parce que quand il va arriver, je vais le savoir. À deux jours avant ou là, je vais savoir que c'est Arafat demain ou l'après-demain. Donc, inshallah ta'ala, je vous le dirai, inshallah, ultérieurement. Tafadhal, akh, inshallah. Un frère dit, salam alaykoum, pouvez-vous nous donner une nasiha par rapport au takfiri? Naam, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salatu salam ashraf al-mursalin. Takfiri, la différence entre lui et le khariji, des fois takfiri, il est takfiri, et il ne fait pas la guerre. Takfiri, ça reste seulement dans le cœur. Mais le khariji, c'est parce qu'il fait d'abord takfiri, il dit le gouverneur est kafir, ensuite il fait quoi? Il fait le khuruj. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Les takfiriyoun, c'est une secte très très dangereuse. Très très très très dangereuse. Ils disent que tous les gens sont kuffars sauf nous. Naam, tous les gens sont kuffars sauf nous. Il y avait quelqu'un qui takfiri. Quand son père et sa mère allaient le voir quand il était en prison, ils lui emmenaient bien sûr du manger, etc. Il ne mangeait pas, il dit je ne mange pas le manger des koufars, c'est-à-dire son père et sa mère. Il ne mange pas le manger des koufars. Et certains, Allah subhanahu wa ta'ala l'afi, Allah al-musta'an, ont égorgé leur père et leur mère en croyant bien sûr que c'est Allah ta'ala qui a dit cela. Ils l'ont fait. Yani, par djihad, ils l'ont fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ils ont pris le couteau et ils ont égorgé leur mère et certains de leurs pères pour rentrer au paradis, pensent-ils, et le shaitan les a fait croire que comme ça ils vont aller au paradis. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le takfiri, c'est quelqu'un de très dangereux. Si tu peux le takfiri, tu as assez de science, tu peux faire un peu de djihad avec lui, fais. لعل الله سبحانه وتعالى il le guide, tu seras inshallah la cause. Mais la plupart du temps, le takfiri, la plupart du temps, il faut t'éloigner de lui. Il va te perdre ton temps dans le djidel qui n'a pas de but, le djidel qui n'a pas de résultat. Du matin au soir, rentre dans les salles des takfiriens, du matin au soir, tu n'entends ni un hadith ni un verset. Tu entends quoi? Ils ont pris les femmes des musulmans, ils ont fait ceci, ils tuent les musulmans, ils nous ont pris nos biens, ils font le azab, ils châtient les musulmans, ils emprisonnent les musulmans, il kada. Que fait les tréférines? Ils te jouent sur les tentations, ils te jouent sur ton cœur, ils te jouent pas sur le cerveau. Le cerveau, tu vas lui demander, donne-moi des dalils, etc. Il n'a pas. Alors il essaye de te faire gonfler, de te faire pleurer, de te faire yanner pour que tu cries. Pourquoi il joue sur les sentiments? Il joue sur, voilà, chercher le mot, les sentiments. Il joue sur les sentiments, et il ne marche pas avec les dalils. Les sentiments, il dit comment ils prennent nos femmes, ils les prennent, ils leur enlèvent le hijab, ils déchirent le hijab, ils font la zina avec nos femmes au commissariat, ils font le châtiment, ils font ceci, ils font cela. Il te joue sur les sentiments. Voilà, hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Les takfiriyoun, Allah subhanahu wa ta'ala nihdihum. C'est une secte très dangereuse et la plupart d'eux ne parlent de djihad, etc., que question de parler, mais ils n'appliquent pas. La plupart d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chauffer les gens, etc., mais lui il ne va jamais au djihad. Regarde la clique qu'il y a sur le plateau qui parle du djihad du matin au soir. dis-leur une fois, pose-leur la question, pourquoi vous ne partez pas au djihad? Pourquoi du matin au soir vous êtes là en train de dire aux gens d'aller au djihad? Pourquoi toi tu es en pleine Europe, tu vis là-bas en plein milieu des kofars et des femmes et de du matin au soir tu bois le jus? Pourquoi tu ne vas pas au djihad? Tu ne vas pas mourir avec tes frères? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. Ils demandent combien vous avez tué aujourd'hui, combien de bombes ils ont fait aujourd'hui, combien de personnes sont mortes, mais jamais ils sont là-bas avec sur place avec ceux qui font les bombes. Ils parlent seulement. Yani il te fait gonfler, La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Regardez Abu Qatada, que Cheikh Abd al-Malik hafidhahullah, quand il a écrit le livre Takhlis al-'ibad min wahshiyat Abi al-Qatad. Abu Qatada, il s'appelle Abu Qatada. Cheikh Abd al-Malik Ramadani l'a appelé Abu Qatad. Il a enlevé le A. C'est pas Abu Qatada. Non, Abu Qatad. Qatad, en arabe, c'est les chocs, les piquants. Ça s'appelle chouk. Abu Qatad, c'est quelqu'un qui est chouk. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Takhlis al-Ibad. Min wahshiyat, yani Abu Qatad. Abu Qatada, c'est un palestinien, c'est le chef des Takfiriyins qui se trouve en Angleterre. Les épines. Naam, Abu. Le père des épines, c'est pas Abu Qatada. Du matin au soir, il est dans la télévision, dans les vidéos, il allumait le feu en Algérie. Tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les femmes, tuer les enfants, égorgez-les, égorgez-les. Ah, égorgez-les, hein. Toi, pourquoi tu restes en Angleterre? Pourquoi tu vas pas en Algérie, tu vas tuer avec tes frères? Pourquoi tu te caches en Angleterre? Hein, pourquoi tu te caches là-bas? Tu restes parmi les koufars. Tu dis en Algérie ce sont des koufars. Et pourquoi toi tu vis au milieu des koufars? Et pourquoi toi tu as épousé une Anglaise? Pourquoi tu n'as pas cherché une Arabe? Pourquoi tu as épousé une Anglaise? Ce habite en Angleterre. Non. Inch'Allah, je crois que c'est une Anglaise, c'est une femme de. Yani, une chrétienne ou là une musulmane. Allahu a'lam. Al-Muhim, épouser une Anglaise, tu vis en plein Angleterre. Hein? Et quand il a eu des problèmes, maintenant quand il a eu des problèmes, où est-ce qu'il va? Il va chez les avocats. Les avocats, c'est qui? C'est des Anglais. Hein? Il leur pleure, il leur embrasse les pieds, hein? pour l'aider. Hein? Maintenant, ce ne sont plus des kofarades, les avocats. Tu leur donnes l'argent pour qu'ils t'aident, parce que tu es dans le pétrin, tu vas aller en prison. Maintenant, les avocats, les kofarades, sont tes amis maintenant. Tu leur donnes même l'argent et ils vont faire juger avec quoi? Avec l'islam. Ils vont se baser les avocats sur le Coran et le Hadith ou là sur la loi d'Angleterre. Ah, ya adou, sunna. Tu as vu maintenant comment ça se passe? Donc les takfiriyins, ce sont une secte très dangereuse. Il y a une salle spéciale de takfir. J'ai oublié comment elle s'appelait là sur Paltok. On dit que je m'appelle seulement que. Là, lance la plus solide. Rappelez-vous, lance la plus solide. C'est une salle de takfiriyin. Il est interdit à quelqu'un qui n'a pas les bases solides de rentrer là-bas. Ne rentre là-bas que celui qui a les bases solides. Et pourquoi il rentre? Pour faire le djidel, la polémique, mais il perd son temps. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui a ça dans le cœur. C'est trop tard. Celui-là, là, c'est trop tard. C'est parti pour lui. Donc quelqu'un, il évite cette salle. Lance la plus solide, il évite. C'est lance, c'est la toile d'araignée. C'est pas lance la plus solide. C'est la toile d'araignée. Du matin au soir, on nous a fait, ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, pars au djihad. Pourquoi tu es là en train de parler? Pars au djihad et va mourir là-bas. Va construire une bombe. Va construire deux ou trois bombes. Tu les mets sur ta poitrine. Tu les colles et tu vas te faire exploser. C'est très simple. C'est difficile. Achète une petite bombe et tu t'exploses si vraiment tu es sincère. Pourquoi tu dis aux gens aller au djihad et toi tu es en pleine Europe, en plein koufar, tu restes avec les koufars. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Ensuite il y a une autre salle dégarée, qui s'appelle Allah le transcendant, Allah l'unique, le transcendant, ou quelque chose comme ça, une salle dégarée. Où on dit que le Cheikh Ben Othaymin c'est un kafir, Cheikh Ben Othaymin c'est un jahel, c'est un les wahhabites, la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Et Cheikh, pouvez-vous donner une nasiha pour les frères et sœurs? Parce que j'étais très surpris, très déçu de voir que dans une room, une sœur donnait un dars au micro. Cette room comportait des frères et des sœurs, malgré les nasiha de beaucoup de frères et sœurs, ne sont pas sortis de cette room. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous guide, Amin. Ouin hadith, c'est la première fois que j'entends une sœur donner les dars. Ouin hadith, une sœur peut donner des cours si c'est seulement à des sœurs dans une salle privée. Une sœur, si elle veut donner des cours et elle a le haïn, masha'Allah, marhaban biha, personne ne peut l'en empêcher. Personne n'a le droit d'empêcher une femme de divulguer, propager le haïn que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mais elle le fait avec des sœurs dans une salle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une salle avec une clé et ne rentrent que les sœurs, inshallah ta'ala. De toute façon, si je rencontre cette sœur, inshallah ta'ala, je lui ferai la nasiha bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et si les autres peuvent lui dire, qu'ils lui disent inshallah ta'ala de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire de cette salle une salle privée avec yani clé. Ne rentrent que les sœurs, inshallah ta'ala. Yani, c'est pas interdit de donner le ilm, mais c'est pas comme ça, inshallah ta'ala. Tfadla inshallah, prochaine sœur. Est-il... Maintenant, vous avez posé trois questions. Vous avez dit que chaque question, inshallah, et vous m'attendez. Est-il permis de toucher la main d'une femme âgée si c'est pour l'aider de descendre du train, par exemple? Non, en principe, une femme, même une femme âgée, on ne touche pas sa main. Mais maintenant, quand c'est dans la darura, ou là, tu sais qu'elle va tomber, ou là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui la descend, ou là, c'est plus ou moins moins grave, inshallah ta'ala. Salam alaikum. Adnan Arour est-il salafi? Certains frères, lorsqu'on leur dit que les attentats suicides sont interdits ou bien de se faire exposer, ils nous disent qu'il y a divergence des savants de la sunna. Est-il vrai? Que devons-nous leur répondre? Naam. Tu leur réponds que quiconque, yani se fait exploser à cause de tuer des gens, celui-là, il s'est tué lui-même. Celui-là, il s'est suicidé. Non. Il n'y a aucun délil dans la sunna ou là, dans le Coran qui dit que on peut se suicider. On peut se suicider. Même ceux qui ont essayé d'avoir le délil du roulam, le roulam ne s'est pas suicidé. Le roulam leur a montré comment qu'il pouvait le tuer, c'est tout. Mais il n'a pas pris l'okhra et il s'est suicidé. Non. Il y a une différence entre quelqu'un qui tu lui montres comment tuer et quelqu'un qui, toi, tu te tues. Ensuite, ceux-là, ceux qui font les explosions, etc., mal à SF, ce qui est très malheureux, c'est que l'islam, quand il demande de faire une chose, c'est pour avoir des résultats. C'est pour avoir des résultats. Ce n'est pas pour la chose en elle-même. Ce n'est pas une fin en soi. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Faites-leur la guerre pour qu'il n'y ait pas de fitna. Fitna, c'est le shirk. Pour qu'il n'y ait pas de fitna. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar leur a dit, on lui a dit, tu fais pas toi le djihad maintenant, tu fais pas la guerre quand il y avait la mouchkila entre les musulmans. Il a dit, non, moi je fais pas. Nous, quand on faisait la guerre, on la faisait pour qu'il n'y ait pas de fitna. Maintenant, vous faites la guerre pour qu'il y ait la fitna. Naam. Regardez, on voit seulement le résultat. Est-ce que ceux qui font les bombes et ils explosent, est-ce qu'ils ont eu un résultat? Toi, tu tues 5, on te tue 100 et on emprisonne 400. Est-ce que tu es arrivé à quelque chose? Si au moins tu étais arrivé à quelque chose, on dit Alhamdulillah, au moins on est arrivé. Est-ce que ceux qui tuent, ils sont arrivés à un résultat? Et le plus drôle et étonnant, c'est que aide à celui qui fait la bombe, par exemple. Je donne un exemple très simple. Par exemple, celui qui a fait exploser l'avion le 11 septembre. Si c'est les musulmans qui l'ont fait. D'ailleurs, moi, j'ai des doutes. Je ne sais pas exactement qui a fait cela. Si c'est les musulmans qui ont fait éclater l'avion et l'exploser. Est-ce que, yani, il faut être sincère seulement. Est-ce que le pilote là, qui a fait exploser cet avion, il savait bien sûr qu'il y avait 200 ou 300 personnes avec lui dans l'avion. Premièrement, quel est le péché de ces personnes qui étaient avec lui. Quel est leur péché? Quel est le péché des femmes et le péché des bébés aussi? Quand on fait la guerre sainte, il est interdit de tuer une femme et un bébé. Tout le monde sait cela. Tout le monde sait cela. Sauf si la femme fait la guerre. Ou quel est le péché de ceux-là qui sont morts avec lui? Deuxièmement, yani, pour être très, très sincère, est-ce que s'il allait, avant d'exploser, de faire exploser l'avion, il savait que c'était sa famille qui était avec lui? Il s'est retourné et il a vu sa femme et ses 5 enfants et son père et sa mère et ses 2 frères assis derrière lui. Est-ce qu'il aurait fait exploser l'avion? Franchement, je ne crois pas et je ne pense pas. Non, je ne crois pas et je ne pense pas. Et en islam, il faut que tu aimes pour l'autre ce que tu aimes pour toi. Non, tu n'es pas un vrai croyant jusqu'à ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Dans cet avion, il est possible qu'il y ait des musulmans avec moi. Pourquoi vont-ils mourir? Ils sont pas convaincus par ce que je fais. Pourquoi je les fais mourir de force avec moi? Parce que je suis convaincu. Ensuite, s'il n'y a pas des musulmans, il y a des kofars. Le kafir, il est interdit que tu le tues tant qu'il ne te fait pas la guerre. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le kafir qui doit être tué? Il n'y a pas de kafir dans la vie. Parce que ne vivent que les musulmans sur la terre. Le kafir, il doit vivre, il mange, il joue, il fait la zina, il fait ce qu'il veut. C'est un kafir. Et tu n'as pas le droit de tuer tant qu'il ne te fait pas la guerre. Il ne fait pas la guerre. C'est pour ça que quand tu rentres toi dans son pays, toi, tu vas en Europe. Avant de rentrer en Europe, tu passes par l'aéroport ou tu passes pas? Tu passes par l'aéroport, on te donne un visa. C'est quoi le visa? Le visa, ça veut dire que, voilà, on va accepter que tu rentres dans notre pays, mais ça veut dire, tout ça, c'est le tampon qu'on te fait, hein, le tampon qu'on te fait sur ton passeport. Ça veut dire, on accepte que tu rentres. Ça veut dire, on accepte que tu rentres, mais à condition que tu ne passes pas du mouchkila. Hein. Maintenant, si le douanier ou le pafisada savait que quand tu allais rentrer, tu allais les voler et tu allais les frapper avec des couteaux et tu allais leur faire la bombe, jamais pour les laisser rentrer. Donc toi, tu as accepté, il a fait un acte avec toi, un pacte, tu allais rentrer pour ne rien faire. Et maintenant tu as trahi. Alors il y a un hadith sahih. Le hadith est sahih, est très clair. Pour celui qui quoi? Pour celui qui yagdar, il trahit. Le jour du jugement dernier, il aura un drapeau spécialement devant sa tête, où il est écrit, celui-là a trahi. Il a trahi. Tu as trahi qui? Tu as trahi un kafir. Naam. Un kafir, il ne faut pas le trahir. Le kafir, il ne faut pas le trahir. Quand tu fais un pacte avec lui, il t'a laissé rentrer dans son pays. Il t'a laissé rentrer, il t'a sécurisé. Il croyait que tu n'allais rien faire dans ce pays. Sinon, jamais, il t'aurait laissé rentrer. Quand Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il a fait le repentir, il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, voilà, je suis venu dire, et voilà l'argent que j'ai pris des kuffars. Le prophète lui a dit, d'islam, d'accord, je l'accepte. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais l'argent, non. L'argent des kuffars, je ne les accepte pas. Tu les as pas pris, yani, c'est pas ton bien. J'accepte pas. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, alhamdulillah, c'est l'argent des kuffars. Les kuffars, ils n'ont pas droit de l'argent, il faut les voler, alhamdulillah. Comme font beaucoup de musulmans en France. Ils volent les kuffars. Ils te disent c'est un kafir. Moi le kafir je le vole. Tu voles le kafir. Tu as trahi. Tu as trahi le pacte. C'est interdit que tu restes dans ce pays. On t'a laissé rentrer avec un visa, avec une permission. Tu as trahi maintenant quand tu as volé le kafir. Naam. Beaucoup de gens ne savent pas que les kuffars, ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous la même chose. On a le kafir, on a le guerrier qui nous fait la guerre. On a le kafir, on a le vimmi. On a le musta'man, on a le mu'ahad. Tout cela, si on tue quelqu'un d'eux, la hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner. Vous allez dire ça, on l'a jamais entendu. Vous savez, premièrement, que quand on fait un pacte avec un kafir, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Quraysh, hein, au début, 10 années, il n'y a pas de guerre entre nous, etc. Il a fait le grand pacte qui est connu. Pacte Hudaybiyah, 10 années, il n'y a pas de guerre entre eux. Vous savez que quand on fait un pacte comme ça avec un pays, ensuite, si un autre pays musulman, je donne un exemple, supposons que la France et l'Algérie font maintenant un pacte que, comme ils ont fait maintenant, c'est sûr, que par exemple pendant 10 ans, il ne va pas y avoir de guerre. Ensuite, supposons que la Tunisie attaque la France. L'Algérie a fait un pacte avec la France. Il n'y a pas de guerre. Maintenant, la Tunisie attaque la France. La Tunisie sont des musulmans. Ils attaquent la France. Ensuite, ils peuvent plus. Ils sont faibles, etc. Les Tunisiens vont nous demander secours aux Algériens. Ils vont nous dire, aidez-nous, la France, on ne peut plus. Alors que nous, on avait fait un acte, un pacte avec la France. Il est interdit de les aider. Non, il est interdit de les aider. Pourquoi? Parce que tu as fait un pacte avec eux, qu'il n'y a pas de guerre. Et maintenant, quand les autres les ont attaqués, c'est à eux de Borasson. C'est à eux de Borasson. Non, si la France les avait attaqués, ça c'est autre chose. Ils ont attaqué des musulmans, on doit les sauver. Maintenant, c'est les musulmans qui ont attaqué les autres, qui ont attaqué les Français. Et nous, on a un acte avec les Français, on ne peut pas les attaquer, on les laisse mourir. La rade, on a un acte avec cela, on ne peut rien faire. C'est pour ça que, si jamais tu tues quelqu'un avec lequel il y a un pacte, un kefir, tu le tues, tu dois faire quoi? Tu dois payer la rançon, tu payes la diya, et tu dois faire stignum. Deux mois de jeûne consécutif, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. نعم, il a dit, si jamais tu tues quelqu'un de ceux-là sans le vouloir, tu ne le tues pas exprès. Quelqu'un qui tue quelqu'un exprès, il ne va pas aller au paradis, comme a dit le prophète. Il a dit, le paradis sera loin de lui, je ne sais pas combien de kilomètres. Mais si tu tues quelqu'un avec lequel il y avait un pacte, tu le tues sans le vouloir. Tu dois payer diya et tu dois faire le jeûne de 60 jours. Kafir, je ne parle pas du musulman. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Fadla, inshallah, deux ou la trois questions, on termine. Fadla, inshallah. Ma grand-mère est mariée depuis plus de 30 ans à un homme qui n'est pas mon grand-père. Je souhaiterais savoir si un mahram pour moi et si contemporain sont-ils salaf, cheikh Bukhari ibn Jibril. Ma grand-mère est mariée depuis près de 30 ans à un homme qui n'est pas mon grand-père. Faut que je comprenne, elle dit que ça veut dire ma grand-mère est mariée depuis près de 30 ans à un homme qui n'est pas mon grand-mère. Mon grand-père. Je souhaitais savoir si c'est un mahram pour moi. Non, j'ai pas bien compris cette question. Il faut que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mon grand-père? Comme ma grand-mère. Ça veut dire que mon grand-père, yani, est mort ou là. Ensuite, elle s'est remariée. Est-ce que c'est comme ça? Sauf si c'est comme ça? Naam. Quand quelqu'un se marie avec ma mère ou là avec ma grand-mère, c'est la même chose. Quand il se marie avec ma mère ou là sa grand-mère, ma grand-mère ou là la mère de ma grand-mère, c'est la même chose. Et la même chose quand il se marie avec la femme, avec sa fille, sa petite-fille, c'est toujours la même chose. Naam. Celui-là, c'est un mahram pour toi. Naam, c'est un mahram pour toi. Il ne peut jamais, au grand jamais, se marier avec toi. Quelqu'un qui ne peut jamais, au grand jamais, se marier avec moi, c'est mon mahram. Naam. Voilà. Et ces chers contemporains sont-ils salaf, Cheikh al-Bukhari ibn Jibril? Je ne connais pas Cheikh al-Bukhari. Cheikh al-Bukhari, là, je ne le connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de lui. C'est la première fois. J'entends parler de lui. Et Ibn Jibril. De toute façon, en règle générale, j'aime pas parler sur les gens. En règle générale, je préfère rien y apprendre. J'ai beaucoup de manque. Je manque beaucoup. C'est pour ça que de préférence, j'aime pas que je sois qu'on me demande l'avis de gens. J'aime pas qu'on me demande cela. De préférence, rien y, je fais autre chose. Ibn Jibril, on lui a trouvé quelques fautes. On dit qu'il a quelques fautes. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain soual, inshallah. une sœur demande, salam alaikum, concernant le paradis, les femmes terrestres seront plus belles que les houris. La femme terrestre sera-t-elle reine parmi les houris? Pour nous décrire l'ambiance, comment sera barakallahu fikoum. Je n'ai jamais lu qu'elle sera reine. Je sais que la femme terrestre sera beaucoup plus belle que les houris. Et pour la reine, bien sûr, elles ont une beauté exceptionnelle. Yani qui ne ressemble pas beaucoup à nos femmes. Parce que pour la reine, elle est à peu près un peu presque transparente. Yani on peut voir ses os à l'intérieur de sa peau, etc. Mais la femme, parce qu'elle a prié, parce qu'elle a fait le siyam, parce qu'elle avait les menstrues, parce qu'elle a accouché, à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des choses pour qu'elle soit mieux que l'autre. L'autre, elle n'a rien fait. Elle a été créée et elle est en train d'attendre le jour où elle sera avec Yanné, son mari, au paradis. On se remet. C'est pour ça que j'ai dit que la femme terrestre sera beaucoup plus belle. En ce qui concerne l'ambiance, c'est quelque chose que yani, personne bien sûr ne peut décrire en détail. C'est quelque chose que personne ne peut en décrire en détail parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ni entendu parler, ni ça t'est venu en ton esprit. Non, ce qu'il y a au paradis, ce n'est non seulement des choses que tu n'as jamais vues ici, mais des choses dont tu n'as jamais entendu parler. Voilà ce qui est un peu grave. Et pire que ça, ce sont des choses qui sont jamais passées par l'esprit. Nous, de temps en temps, il nous passe par l'esprit, par exemple, qu'il y a un cheval qui a deux ailes, il y a je ne sais pas quoi qui a ceci. Des choses qui passent par l'esprit comme ça, on se dit peut-être qu'il y a au paradis. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète Assam a dit, وَلَا خَطَرَ بِقَلْبِ بَشَرٍ يعني l'idée ne t'est même pas passée par le cœur de ce qu'il y a là-bas. Là-bas c'est la vraie vie, là-bas c'est la belle vie, là-bas c'est il n'y a ni souci, ni fatigue, ni malade, ni maladie, ni crachat, ni urine, ni autre chose, ni accouchement, ni menstrues, ni fatigue. Il y a l'incendie. Ni sommeil. Il n'y a que salam, salam, comme a dit le Coran. Illa qila salam, salam. Il y a seulement tu dis salam aux gens qui passent. Salam, et faire des connaissances, et être invité. Et tout ce que tu manges, c'est nouveau. Tout ce que tu bois, c'est nouveau. Et il te suffit, c'est suffisant seulement que tu aies la faveur de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Sur les fauteuils en train de voir. Bien sûr, voir quoi? Voir Allah. Car on ne dit pas sur les fauteuils en train de voir pour voir seulement. On n'est pas des aveugles. Tout le monde voit. Là, je veux dire voir Allah. Et il a dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَدًا. Pour ceux qui ont fait l'ihsan ici, ils auront au paradis le husna. Le husna, c'est le paradis. وَزِيَدًا, en plus du paradis, est-ce qu'il y a quelque chose plus du paradis? Naam, regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wujuh yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Et des visages du jugement dernier nadira, yani plein de joie. Ila rabbiha nadira. Regardons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama disent si jamais Allah subhanahu wa ta'ala faisait rentrer quelqu'un, c'est une supposition seulement, et il va lui dire regarde ma créature, je vais te faire rentrer au paradis, il y a tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, mais je t'empêcherai d'une seule chose, c'est que tu ne me vois pas. Les ulama ont dit, celui-là il ne sera jamais bien au paradis. Il sera toujours allé, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que la meilleure des choses, c'est pas le paradis. La meilleure des choses, c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le plus grand supplice pour les kuffars, plus grand supplice avant Jahannam, c'est de ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Ce jour-là, il y aura un voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave que tu sois en enfer et en plus de ça tu ne sais pas, tu voudrais voir celui qui t'a fait entrer en enfer, yani par curiosité, qui c'est, comment est-il, etc. Non, tu ne vas pas le voir. Très très grave. C'est pour ça que nous, il faut faire beaucoup de doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala laisse notre iman dans notre cœur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous enlever cet iman. Qui es-tu toi? Qui suis-je moi? Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de chercher le vrai chemin et n'ont pas encore trouvé. Et toi, c'est dans ton cœur, tu te dis, moi j'en ai ikhlas, ça me suffit, c'est trop à l'islam. Allah Azzawajal t'enlève la foi et la donne à un autre. Naam. Parce que Allah ta'ala hakim, il est sage. Le sage, c'est celui qui met toute chose en sa place. Si toi tu es farhan, tu es ravi de cette chose, ça fait plaisir, tu es l'iman, yani tu, Allah Azzawajal t'en donnera encore plus. Il dit, cette personne aime cette chose, elle est farhan, alhamdoulilah, elle est chakour, elle me remercie, celle-là je lui donne encore plus. Mais cette personne-là, c'est comme que c'est comme si elle disait, j'en ai pas besoin. Moi, iman, ça me dit pas beaucoup, etc. Allah Azzawajal va lui enlever et le donner à une autre qui en a vraiment besoin. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qui du matin au soir sont en train de chercher le vrai chemin, ils ne sont pas encore arrivés. Naam. Ils sont en train de lire les livres, ils sont en train de demander, ils sont en train d'écouter les doros, ils sont en train de comparer entre l'évangile et entre le Coran. Et ils ne sont pas encore arrivés. Toi, tu n'es pas mieux que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi, t'a donné ça. Alors il t'a choisi, il nous a choisi, il nous a donné ça. La plus grande chose à faire, c'est de demander qu'il ne nous l'enlève pas. C'est pour ça qu'on dit dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Oh Allah, la tuzigh qulubana, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Naam. Et au contraire, donne-nous une rahma, ajoute-nous une rahma pour inshallah ta'ala pouvoir continuer le daf. Inch'Allah, prochain soual et dernier soual, inch'Allah. Prochain et dernier soual, inch'Allah. Une sœur dit, si la personne se met en situation de péché, nos derniers moments renoncent pour Allah Azza wa Jal à cette duage, malgré qu'elle connaissait les dangers. Une sœur dit, si la personne se met en situation de péché, nos derniers moments renoncent pour Allah Azza wa Jal à cette duage, malgré qu'elle connaissait les dangers. Naam. Naam, si une personne est arrivée au péché, ensuite, avant de le faire, à la dernière minute, elle a renoncé à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur de lui. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des ajr et beaucoup de ajr. Parce que celle-là, cette personne, yani, va faire un grand jihad. Parce que arriver au stade 2, il ne reste plus rien pour faire le péché. Et pouvoir s'arrêter, c'est vraiment, il faut avoir de la foi. C'est pour ça que les trois personnes qui sont rentrées dans la grotte et le grand rocher leur a bouché le trou. Ils ont dit, on va faire les doigts pour sortir de la grotte, on va faire les doigts. L'un des trois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, oh Allah, tu savais que j'avais une cousine très belle que j'aimais beaucoup. Et plusieurs fois, je demandais qu'elle fasse le haram avec moi, elle n'a pas voulu. J'ai attendu une fois où elle n'avait vraiment pas d'argent. Vraiment, elle était dans le besoin. Et quand elle est venue me demander de lui prêter de l'argent, je lui ai dit, sauf si tu fais la zina. Tu fais la zina. Il a dit, elle a accepté parce qu'elle était dans le besoin. Elle allait mourir même. Il a dit, Ya Allah, tu sais que je lui ai donné 1000 dinars en or. Yani, pour faire la zina, je lui ai donné 1000 dinars en or. Et quand je me suis approché d'elle et je me suis préparé pour faire ce que fait l'homme avec sa femme, elle m'a dit, ittaqillah, crains Allah, ittaqillah. Ne fais cela que dans le halal. La tafadzul khatim illa fi bihaqih. Ne fais cela que dans le halal. Yani, faut qu'on soit marié pour que je fasse cela. Il a dit, quand elle a dit cette chose, j'ai eu peur et je l'ai laissé, je n'ai pas fait le péché et je suis parti et j'ai laissé les mille dinars en or. Il a dit, Ya Allah, si j'ai fait ça à cause de ton visage, fais-nous une issue. Et là, je les ai aidés, il leur a fait une issue pour sortir du trou où il était. Donc, regardez celui-là, il est arrivé au point de faire la zina, à la dernière minute, il a eu peur, mais il n'a pas fait. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Et il est même cité dans les hadiths parce que ne pas faire la zina, yani ne pas aller du tout, par exemple chez la femme, ne pas la rencontrer, ne pas aller au rendez-vous, ne pas lui parler au téléphone, c'est beaucoup plus simple que d'aller au rendez-vous, de rester seul avec elle dans la chambre, de fermer la porte, ensuite d'enlever les vêtements, ensuite la dernière minute il va arrêter. Ça c'est vraiment, il faut l'iman pour arrêter, il faut vraiment l'iman. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Ibrahim 13, on ajoute encore 10 minutes, c'est tard, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. On ajoute inchallah 10 minutes, il est 1h15, inchallah on arrête bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, parce que il y a des gens qui m'attendent dans une salle privée, inchallah ta'ala. Posez encore inchallah ta'ala jusqu'à 10 minutes, inchallah, tfaddal, mais un peu vite inchallah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pouvez-vous m'expliquer quelle catégorie de mubtadi'a est concernée par le hadith? Allah empêche le repentir de quiconque s'adonne à l'innovation, que Allah vous mette sous l'homme son trône le jour où il n'y aura que cet homme. Amin ya Rabbi Alamin, et qu'il nous mette, Inch'Allah, tous qui sommes aujourd'hui dans cette salle, dans son ombre, le jour où il n'y aura que son ombre. Amin ya Rabbi Alamin. L'innovation, il y a deux sortes d'innovation. L'innovation qui rend quelqu'un kafir et l'innovation qui rend quelqu'un fasiq. Et ça se divise en une autre catégorie aussi. Il y a l'innovation al-haqiqiyya et il y a l'innovation al-idafiyya. Haqiqiyya, la vraie, et l'autre idafiyya. Idafiyya, il croit avoir des délits. Hein, il croit avoir des délits. Il te dit, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَذَكِرِنْ اللَّهِ كَثِرٌ وَذَكِرَتْ. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font les invocations. J'ai un délit et il fait la bid'a, ils font l'invocation en groupe. Quand vous voyez par exemple le jour de l'Aïd, ils sont dans la mosquée, tous en groupe. Alhamdulillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui-là c'est une bid'a. Tu lui dis pourquoi tu fais ça? Oh, ils te disent par Allah, je fais le zikr. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le zikr. Dans le Coran, c'est dit, dhakirin Allah kathiran, subhanallah. Donc, quel genre de bid'a? Bid'a idafiyya. Ça veut dire, il a un délil, mais le délil n'est pas pour lui. C'est une choubouette, il n'a pas bien compris le délil. El Mohim, quiconque fait une bid'a, haqiqiyya, quiconque fait une bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il s'éloigne de la bid'a. C'est-à-dire que, quand il sait que c'est une bid'a et il ne veut pas s'en éloigner, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas que c'est une bid'a. Parce que si tu ne sais pas qu'une chose est kufr, c'est pas seulement bid'a, kufr, tu ne sais pas que c'est kufr et tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo, se basant sur le verset, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda tabayyana lahu al-huda وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il a dit, يَتَبَيِّنْ لَهُ الْهُدَى. Il a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. هَدَاهُمْ, لازم يهديهم. Donc celui qui ne sait pas que c'est une bid'a et qui fait une bid'a, celui-là, Allah Azza wa Jalla ne lui fait rien. Peut-être, il le châtie à cause d'eux, il n'a pas demandé le ilm. Mais celui duquel il n'accepte pas le repentir, il sait que c'est une bid'a, il dit non, moi c'est pas une bid'a. Moi, je m'instaure chana. Voilà, houla, voilà, quoi, t'es le bilal, allez, allez, tfaddal, inshallah, pour gagner un peu de temps. Est-ce qu'une femme peut se dévoiler devant un enfant âgé de 10 ans, sachant que pour lui, la salat est obligatoire? En fait, la règle, c'est que la femme doit se cacher devant quelqu'un qui est pubère. Tant qu'il n'est pas pubère, c'est pas grave. Mais les ulama ont dit, si quelqu'un, à l'âge de 10 ans, par exemple, est vicieux, ça veut dire qu'il regarde les femmes. Quand une femme passe devant lui, il la regarde. Il regarde ses jambes, il regarde. Celui-là, c'est un vicieux. Celui-là, elle doit se cacher devant lui. Mais tant que il n'est pas vicieux, et il n'est pas encore pubère, ce n'est pas interdit de ne pas se cacher devant lui. La règle, c'est quoi? C'est la puberté. Avant la puberté, ce n'est pas interdit. Sauf dans le cas où c'est quelqu'un qui est vicieux et qui a commencé à savoir ces choses et à remarquer, à comparer, etc. Non. Ce frère a envoyé son dossier par la poste et ils ont refusé. Le frère a prêté un câble, s'est rasé la barbe et a délaissé Salah. Il ressent de la haine contre tous les frères. Quel conseil me donnez-vous pour que je lui fasse dawa? Un frère qui habite en Belgique, pratique, vit en Belgique, devient de plus en plus difficile. Ce frère, durant plusieurs semaines, a transpiré pour faire son dossier pour l'Arabie. Et on n'a aucune réponse, aucune mosquée acceptée de lui. Donnez-t-il ce qu'il y a pour le dossier? Non, ça c'est le début. Le frère a envoyé son dossier pour la poste qui lui a refusé. Le frère a prêté un câble. Ça veut dire ça. C'est rasé la barbe et a délaissé la salade. Je dis que, quand quelqu'un, inshallah ta'ala, est sincère, malgré toutes les difficultés du monde, sauf la salat, il ne l'arrête pas. Regardez, barakallahu fikum, écoutez seulement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait directement à la salat. Kana ida hazabahu amr dakhala fi salat. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait des difficultés, il rentrait dans la salat. Regardez Ibrahim alayhi salam dans le Bukhari, hadith il est dans le Bukhari. On lui a pris sa femme, la hawla wa la quwwata illa billah. On lui a pris Sarah. Qui l'a pris? Le roi, c'était un tyran. Les soldats sont venus la prendre. Pourquoi on a pris sa femme? Pour lui apprendre le Coran. On a pris la femme pour que le roi fasse la zina avec elle. Qu'a fait Ibrahim alayhi salam? Il est parti au téléphone, et où là la gendarmerie? La salat. Il a fait le wudu, il est rentré dans la salat. Elle, Sarah, quand elle est arrivée chez le tyran, elle a dit ah, pardon avant la zina, laisse-moi faire seulement le wudu, je fais la salat. La même chose, wudu et salat. Vous connaissez la fin de l'histoire. Ensuite, quand elle est revenue, il lui a donné Hajar en même temps. Quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé Ibrahim toujours en salat. Mais elle fait la salat en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider pour qu'il ne puisse pas faire la zina avec sa femme et qu'elle revienne saine et sauve. Elle est revenue saine et sauve avec un cadeau qui était Hajar. Pourquoi? La salat. Donc, autrefois, les gens, quand ils avaient des problèmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient dans la salat. Maintenant, quand on a un problème, on abandonne la salat. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Maintenant, c'est le monde à l'envers. Le prophète, alayhi sallam, et les prophètes, quand ils avaient eu un problème, et le vrai musulman, quand il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des ablutions, il rentre dans la salat. Istaïnou bis sabri au salat. Aidez-vous avec la salat et la patience. Istaïnou bis sabri au salat. Inna Allah ma'a sabirin. Aidez-vous avec la patience et la salat. Maintenant, quand les gens ont des problèmes, ils abandonnent la salat. La hawla wa la quwwata illa billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. C'est difficile ce qui nous attend. On ne sait pas combien qu'on va vivre. 30, 20 ans, je ne sais pas. Les problèmes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs. Naam. Je disais que celui-là a rasé la barbe, il a délaissé la salat, il a etc. etc. Celui-là, il faut lui faire les doigts, il faut lui faire la nasiha, il faut essayer de l'aider. Il est débutant, ça se voit qu'il est débutant. Quelqu'un dont la salat est rentré dans son cœur, l'hymen s'est mélangé avec ses veines, et son sang, jamais ne peut laisser la salat. Quitte à, on lui coupe la tête. Et je ne laisse pas mon dîne. Mon dîne, je veux qu'il rentre avec moi dans ma tombe. C'est quoi? C'est mon avenir, c'est mon capital. Mon capital, c'est pas l'argent, c'est pas ma voiture, c'est pas ma maison. Mon capital, c'est quand je rentre dans ma tombe avec mes bonnes actions et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain. Il me dit, viens voir le paradis que je t'ai préparé. Et viens voir l'enfer. Que l'hamdoulilah, dont je t'ai éloigné. Voilà, le fawzul azim. Celui-là, c'est un frère, faites-lui des nasiha, aidez-le, il a des difficultés, et il y a beaucoup de R qui me disent qu'ils vivent des moments difficiles dans les mosquées de France. Il me dit, oh là, c'est difficile. Il me dit, il y a des frères qui sont vraiment, yani, loin du minhaj, et loin du din, qui n'ont que la barbe, ma'al asif. Ils nous font beaucoup de problèmes au point où quelqu'un me dit, Yachir, dis-moi, Allah et Jazik, est-ce que je change de ville ou là comment je fais? J'ai beaucoup de problèmes avec les frères, etc., etc. Ya, Ikhwani, je vous dis une chose. quiconque fait fuir quelqu'un du din, quiconque sera la cause, tu es la cause pour que quelqu'un ne vienne pas à la mosquée à cause de toi. Quiconque, tu es la cause pour qu'il fasse la prière à la maison, entre parenthèses, et il va s'arrêter. À la maison, tu ne peux pas faire la prière plus de 2-3 mois et tu dis, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais la faire. Quiconque est la cause pour faire fuir quelqu'un du din, celui-là, son supplice est azim demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire est vrai. Quiconque sera une cause pour faire quelqu'un rentrer dans le din, celui-là, le ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est azim. Donc, tu fais venir, masha'Allah, le ajr, tu fais partir, masha'Allah, les siyyat. Les siyyat, masha'Allah. Akhi, mon frère, même toi, ma soeur, dis-toi que le din, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Ce n'est pas quelque chose que nos parents nous ont laissé, on a hérité. C'est quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, celui-là, quand il n'applique pas ou là, c'est pas moi qui vais payer. Il n'applique pas ou là, pourquoi le gronder, pourquoi le faire fuir, pourquoi l'insulter? C'est pas mon din, moi. Nasta'in bi jabbar, nasta'in bi wakil, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, moi, au contraire, je l'essaye de l'aider. Pourquoi il fait comme ça? Il a des problèmes. Il a sûrement des problèmes. Il faut que j'essaie de l'aider. J'essaie de le comprendre. J'essaie de l'inviter chez moi. J'essaie de voir quels sont ses problèmes. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Que tu sois une clé pour le bien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Toba, Toba, un grand arbre au paradis pour celui qui est une clé de bien. Une clé de bien. Essaye d'être une clé pour le bien, pas pour le mal. Essaye d'aider les gens. Essaye de voir quels sont les problèmes. Essaye de comprendre leurs problèmes. Essaye de les attirer. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Toi, c'est pas ton but de l'insulter, de le gronder, c'est pas ton din, c'est de lui, de Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à celui-là. Vous connaissez tous, comment qu'il s'appelle, le Hajjaj ibn Yusuf. Quiconque, qui ne connaît pas le Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 124 000 personnes entre les sahaba et les tabi'in. C'est pas des n'importe quelle personne, des soulards ou là. Il a tué les sahaba et les tabi'in, les meilleurs gens au monde. Combien qu'il a tué? 124 000. Où ça se trouve ça? Lisez Tirmidhi, Sahih Tirmidhi du Sheikh Al-Albani. Il a ce hadith, il a dit hadith sahih. Al-Hajjaj ibn Yusuf qatala 124 000 min khiyar nas min bayn as-sahaba wa tabi'in. 124 000 personnes. Celui-là, qu'est-ce qu'il disait avant de mourir? Il levait ses mains. Il disait, Ya Allah, innahum yazramun annaka lam taghfir li, faghfir li. Subhanallah al-azim. Il levait ses mains. Il disait, Ya Allah, ils prétendent que tu ne vas pas me pardonner demain. Ya Allah, pardonne-moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez. Il a tué 124 000 et il sait, et il a. Il a l'espoir que demain Allah Azza wa Jalla va lui pardonner. Là où on sait que cette personne ne va pas lui pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala. Ses proches mains. C'était le gouverneur, et il donnait les ordres, etc. Il a tué beaucoup avec ses proches mains. Donc, là, notre but, ce n'est pas de gronder les gens et de. Notre but, c'est de parler aux gens avec la hikmah, de leur monde, d'essayer de comprendre leurs problèmes, d'essayer de les aider. Il est très très très très très très malheureux et décevant qu'on soit dans la gourba, qu'on n'est pas dans notre pays, on est dans un pays étranger où tous on a besoin l'un de l'autre, tous on a besoin de s'aimer et d'être une seule main, d'être unis. Il est très décevant qu'on ne se parle pas et qu'on se déteste et qu'on s'injurie et qu'on devient des ennemis dans un pays où on a besoin d'être unis, d'être ensemble. Car on est chez les gens, on n'est pas chez nous. On n'est pas dans notre maison. On est chez des gens. Subhanallah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana, an yu'allimana, an yuwaffiqana. An yashraha sudurana al-Islam, an yu'allimana. D'abord, tout, avant tout, c'est le manque de ilm. Avant tout, c'est le manque de ilm. Plus tu as du ilm, plus yani ton cœur devient plus large et plus compréhensif. Plus tu as du ilm. Naam. C'est avant tout, c'est le djahl. C'est le djahl qui te fait comme ça. Le djahl qui te dit que yani, l'essentiel c'est toi, tu dois être bien. Tous les autres, moi je m'en fous. Yani, qu'ils partent en enfer ou là, je m'en fous de leurs problèmes. L'essentiel c'est moi, je fais composer le prophète, la prière, etc. Naam. Mais les autres, je m'en fous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Inch'Allah, on se rencontre mercredi, Inch'Allah ta'ala, dans le dars du fiqh, qui est très important. On va parler de la salat. Je suis sûr que beaucoup, beaucoup de gens font beaucoup de fautes dans la salat. Beaucoup de fautes dans la salat. On a commencé, on a parlé de la salat de son heure. Maintenant, la prochaine fois, on va parler aussi un peu de l'adhan et de la salat, comment qu'on l'a fait, etc., ses conditions, etc. Jusqu'à ce jour-là, mercredi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, un premier chiffre très important, ce moment sur Pastor, on voit beaucoup de mon cœur. Pouvons-nous prier debout au travail, un frère, est urgent, sur la chaîne de montage. Une seconde. On voit beaucoup de mon cœur. Une seconde, hein, une seconde. Non. Pouvez-vous nous faire nasiha pour les gens qui se disent qu'ils sont salaf et s'attaquent aux gens de Minas Salaf et les déniques devant les gens de Déran? Et aussi sur les mêmes personnes qui passent leur temps sur Partok à rester dans les rooms bizarres de Partok, parler, rigoler normal avec les sœurs du Partok, barakallahu fikoum. Non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Yanni, pour la première question, je crois que j'ai répondu. Il s'attaque aux gens du minhaj, il les dénigre devant les gens, etc. Tout ça, inshallah ta'ala, c'est pas de la sunna. Tout ça, inshallah ta'ala, c'est pas de la sunna. Non, c'est pas de la sunna de citer comme ça les noms et de commencer à dire celui-là, ceci, celui-ci, celui-là. Hadith, c'est quand tu vas, par exemple, tu vas être un élève d'une personne, tu demandes sur cette personne, est-ce celui-là, et bien, ce qui n'est pas bien, il est salafi, je veux prendre des cours chez lui, etc. Tu demandes comme ça, ça, d'accord. Mais faire de ça, yani, mon passe-temps favori, du matin au soir, en train de parler seulement sur les gens, etc., au lieu d'apprendre la aqida et d'apprendre le faire, ça, ce n'est pas du minhaj salaf, radiallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que, dis-toi bien une chose, que quiconque, yani, voudrait, comme on dit en arabe, yekshif l'awrat, voudrait yekshif l'aurat des salafiyin, etc., Allah subhanahu wa ta'ala yu'aqibuhu yanna al-jaza min jins al-amal. Quand tu fais quelque chose, dis-toi toujours, peut-être que demain il va se passer la même chose à moi. Naam, moi qui fais comme ça, peut-être que Allah ta'ala va me châtier jusqu'à ce que il va se passer, la même chose va se passer à moi. Naam, moi je connais quelqu'un qui parlait beaucoup sur les gens, beaucoup sur les ulama. Naam. La moindre chose, il te dit celui-là c'est pas un alim, celui-là c'est ceci, celui-là cela. Très vite, hein. C'est un salafi, mais comme ça il dit, très vite. Non, c'est pas un alim, c'est ceci, cela. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une épreuve. Soit 4 ou 5 années, les gens du matin au soir en train de parler sur lui sur internet. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, yani, si ce n'est pas un châtiment, une épreuve dure, pour qu'il sache ce qu'il a fait. 4 ans ou là, et les gens ne se taisaient pas, du matin au soir. X d'Algérie, X, Mubtada, X Kada, X n'est pas un salafi, X et ceci, X, du matin au soir. 4 ou 5 années. Ça fait seulement maintenant 4 ou 5 mois, 6 mois, 1 an, ça commence à se calmer sur cette personne. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et les mêmes personnes qui passent leur temps sur Patok à rester dans les rooms bizarres. Naam, tu restes dans une room bizarre, ça veut dire que tu as accepté d'écouter ce qu'ils disent, le munkar qu'ils disent. Et il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala change ton cœur. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala qui yani, dirige nos cœurs, il voit que toi, tu veux être mélangé et tu veux ces choses. Et ça te plaît d'écouter ces choses. Il peut, yani, dévier ton cœur vers cette chose. Ensuite, tu acceptes cette chose. Ensuite, tu trouves cette chose qui est la plus juste et que les autres qui sont dans le faux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Naam. Surtout ceux qui passent leur temps à rigoler avec les frères et les sœurs. Et ceux qui passent leur temps cela, Allah subhanahu wa ta'ala yahdiyahum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yahdiyahum. Ils passent leur temps à rigoler. c'est comme si la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, comme si c'était permis, c'est comme si yani, qu'est-ce qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Aujourd'hui je trouve pas yani ce que je dois dire, mais craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que notre réussite et notre bonheur, c'est dans quoi? C'est dans obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, et obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux être les plus heureux dans ce monde, avant l'autre monde, essaye dans ce monde d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, comme il se doit, avec sincérité, et tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir toutes les portes. Naam. Des choses qui vont t'arriver, tu vas t'étonner. Tu vas dire, subhanallah al-azim, comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a tout ouvert. Naam. T'as ouvert à cause de quoi? À cause de ton obéissance et ta sincérité. Et il a dit, pour ce qui est le contraire, il a dit, Et quiconque il connaît le chemin, etc., mais ils sont détournés un peu, là je l'ai dit, il va te faire yani sentir l'amère, les choses yani qui sont amères, yani le supplice, pourquoi? Pour avoir connu le chemin et son être détourné. C'est pas comme quelqu'un qui connaît pas. Quelqu'un qui connaît pas, c'est un jahl. Celui-là, il connaît pas. Mais toi, tu connais les hadiths, tu connais les versets, tu connais la vérité, et tu la laisses, et tu vas de l'autre côté. La hawla wa la quwwata illa billah. Inch'Allah, mou'id yom al-arbi'a. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Il est déjà ici. 1h30 du matin chez moi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahal al. Il y a quelqu'un ici avec lequel je dois parler. Naam. Je vois si je l'ai sur la liste, là je l'ai pas. Naam, c'est pas mal. Naam, il y avait une question, je viens de me souvenir maintenant, à laquelle j'ai pas répondu. Il dit, est-ce que je peux faire la prière debout sur chaîne de montage, etc. Je dis que la prière debout, ça veut dire que si on la fait debout comme ça, c'est mieux que de ne pas la faire du tout. C'est mieux que de ne pas la faire du tout. Mais je donne un conseil. Je dis à tous mes frères, et même mes sœurs qui travaillent, tous frères et tous sœurs doivent faire des doigts et quoi? Et essayer de changer de travail. L'essentiel, c'est pas l'argent que tu fais rentrer. L'essentiel, c'est est-ce que ce travail te permet de faire les ibadat, les adorations ou pas? Voilà l'essentiel. Vis pour Allah, ne vis pas pour l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Demain tu es riche, après demain tu es pauvre. Ensuite tu seras riche, tu seras pauvre. C'est pas l'argent. L'essentiel, c'est l'iman. Et c'est rendre Allah subhanahu wa ta'ala ravi de toi. Essaye, à chaque fois que tu es dans un travail, ça ne marche pas, il n'y a pas les larmes, essaye de quitter et de chercher un autre travail. Fais beaucoup de doigts, je te dis pas de maintenant de quitter, mais au moins fais des doigts et fais des annonces, etc., pour changer de travail. Ne reste pas dans un travail où on t'empêche de faire la prière, où là on t'empêche de faire la prière à l'heure. Et mieux que ça, ne reste pas dans un pays où on t'empêche de pratiquer ton din. Ne reste pas, on m'a pas obligé. Profite une année ou la deux, amasse un peu d'argent. Amasse un peu d'argent et va dans un pays où tu entends l'adhan. L'adhan, déjà, quand tu l'entends, tu as des fois, tu sens la chair de poule. Alhamdulillah, tu entends l'adhan, mashallah. Le adhan dans un pays musulman. Quand on ne fait pas le adhan, l'islam dit, tu combats ces gens-là qui ne font pas le adhan. Donc, tu vas dans un pays où tu entends le adhan. Tu vas dans un pays où tu t'arrêtes et tu fais la prière en plein travail, en plein société, en plein ministère, tu arrêtes. En plein ministère, tu fermes le bureau, tu dis arrête-moi, c'est l'heure de la prière. Tu n'es pas obligé d'aller à la mosquée si c'est interdit, mais on va faire la prière ici en groupe. Masha'Allah, le bordeaux, les ablutions, l'eau qui coule sur ta barbe, masha'Allah, tu fais la prière à l'heure. Oui, je ne suis pas obligé à m'adresser dans un pays où c'est interdit. Je ne suis pas obligé. Moi, je vis pour adorer Allah. On m'a khalaqtu al-jinna wal-ins illa li'abudun. Allah Ta'ala ne m'a pas créé pour l'argent. Il m'a créé pour l'adorer. L'argent, c'est lui qui en donne. C'est lui qui en enlève. Maintenant, moi, je cherche mon avenir. Je cherche demain, quand je serai dans ma tombe, demain, Qui peut m'aider demain quand je serai dans ma tombe? Qui peut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir demain avec une valise pleine d'euros et il va me la donner quand je suis dans la tombe? Il va me dire, écoute, tu es dans la tombe, je sais que tu as des problèmes, tu ne faisais pas la prière à l'heure. Voilà, j'ai ici une valise pleine d'euros, essaye de la donner aux anges qui sont avec toi en train de châtier. Peut-être qu'ils vont accepter les euros. Tiens, donne-leur. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Mettez dans vos yeux que je vous vivais pour Allah. Je ne sais pas quand est-ce que je meurs. Un arrêt cardiaque peut survenir à toute personne. Celui qui est en très bonne santé peut mourir dans une minute. En très bonne santé, très fort, sportif et karatman et judoka. Il va mourir dans une seconde ou une minute. Crise cardiaque. Bouffon s'en meurt. Moi, je pense à demain dans ma tombe, comment je vais faire si je faisais pas la prière à l'heure. La prière, c'est une chose très très très grave quand on la fait pas à l'heure. C'est l'un des plus grands péchés de ne pas la faire à l'heure. La hawla wa la quwwata illa billah. On en parlera, inshallah ta'ala, le jour de la prière, le mercredi. Où est le frère Hada qui dont tu es en, Abou Elias. Laisse-le avec toi, inshallah, pour que je lui réponde. Ensuite, je demande à... Non, si où est Hada? Non, c'est pas celui-là. Bon, subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous pouvez sortir, inshallah, le temps que je suis en train de chercher quelqu'un dans la liste ici. Salam alaikum wa rahmatullah. Personne ne sortira. J'ai peur qu'il y a la sœur dont vous parlez, peut-être elle va venir vous faire un darsa. J'ai peur, la sœur elle est là, elle va faire un darsa. Alors il faut faire, mais naam, je cherche quelqu'un dans la salle. Naam, je suis en train de chercher quelqu'un dans la salle, je l'ai pas trouvé. La hawla, ah. Alors, j'ai trouvé maintenant. Naam. Comment qu'on fait pour inviter quelqu'un? Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.